Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Wow, wow, wow. Bienvenue sur Indestar, il est un petit peu plus de 21h et j'espère que tout le monde va bien. C'est la fin de semaine, ça y est, la dure semaine de travail est passée. Vous pouvez vous poser, demain c'est le week-end. Et en parlant de poser, on va se poser sur les différentes planètes de notre système solaire ce soir. Puisque c'est le thème de cette soirée, on a décidé de décoller et d'aller dans l'espace, ce qui tombe plutôt bien parce que ça fait partie de l'actualité. Mais avant de dire bonjour à Audrey, on va dire bonjour à Daniel qui vient de nous rejoindre. Salut Daniel. Salut tout le monde, salut toute l'équipe, salut les auditeurs, salut. Bien content d'être là dès 21h. Une petite dédicace à tes potes Kevin et Dylan. Alors, voyons. Je vous déjà pas de ça parce que là. Et la classe de 3ème B qui nous écoute certainement. Ah non, 3ème C. 3ème C, d'accord, pardon, autant pour moi. Oui. Là, non. 3ème C, c'était les meilleurs à l'époque. Bah oui, la 3ème B, c'est Teddy. Comment va Teddy? Ça va. J'étais en 3ème. Ah ouais, peut-être. Non? Ah, je sais plus. Je sais pas, j'en sais rien. J'étais en 3ème E. E? Ah oui, ouais. J'étais 5ème. C'est le moins bon. Ouais. Ah ouais, j'étais en 6ème E, wesh. Ouais. Eh oui, bah. J'ai fait mieux. J'étais en 6ème H. Pire. Wow. D'accord, ouais, bah, c'est 6ème Z, c'est la fin de l'alphabet. Après, ils savaient plus quoi faire. Après, ils font des doubles A. Ouais. Est-ce que le studio va bien ce soir? Eh ben écoute, je l'ai mis en mode apesanteur pour être tout léger, tu vois. Je me suis mis bien confortablement dans un siège bien moelleux. J'ai l'impression de flotter là, tu vois. Tant que t'es pas dans la lune, c'est bon, hein. Oui. Ah, mais pourquoi pas, soyons fous. Mais moi je vais vous emmener plus loin que le système solaire. Hein. Soyons sur Mars. Ah non. Bah, moi, ça va aller plus loin que le système solaire. Je crois que nous avons en direct live, en duplex live, nous avons Audrey qui est sur Mars. Salut Audrey. Salut tout le monde. Alors non, c'est pas moi qui suis sur Mars. Le son sur Mars, hein, la fibre passe la main aussi. C'est pas moi qui suis sur Mars, c'est Persévérance qui a atterri hier soir. Vous avez peut-être assisté à l'amartissage, même si il faut pas le dire, mais c'est pas grave, moi je valide le terme. Qu'est-ce qu'il faut? Faut pas dire amartissage, c'est ça? Ça, faut dire atterrir sur Mars, mais c'est moins drôle. Oui, et puis pourquoi? Parce qu'on dit bien alunissage pour la lune. Oui, mais bon, les tomber sur Mars. Sont pas d'accord, voilà. Donc voilà. Allez, tomber sur Mars. L'amartissage, je m'en fiche. Le problème d'un amartissage, c'est que Mars et ça repart, et du coup, on a rien vu. Oui, d'accord. Alors, je vais continuer si ça te dérange pas. Avec les explications scientifiques. Ouais, parce que c'est quoi la différence avec Sneakers et Twix, sinon? Okay. On va faire preuve de persévérance ce soir face à Théo. Exactement. Persévérance, c'est le rover qui atterrit sur Mars, dans le cratère Jezera, pardon. Mm-hmm. Et il a pour mission de prélever du sol de Mars pour vérifier s'il y a de la vie sur Mars, comme on le croit, les petits martiens, tout ça, tout ça. Mm. Bon, alors, effet incroyable. Sur le Perseverance, il y a 19 caméras, mais surtout pour la première fois, il y a 2 micros. Donc ça se trouve, on va entendre des trucs, des sons. Ah, je croyais qu'on allait faire une émission radio là-bas, mais non, rien à voir. Bah, on pourrait avoir une captation live de Perseverance. Mmh. Bon, après, il y a quand même 11 minutes de décalage entre la perception de ce qui se passe et ce qui nous reçoit. Ah, ce ils auraient pu installer la fibre, bordel. On l'entend pas vu que t'es en duplex. Hein. C'est quand même à 70 millions de kilomètres de la Terre. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est énormément loin. Donc finalement, ces 11 minutes de décalage ne sont pas tant que ça. Non, mais c'est vraiment fou, je veux dire. Persévérance a voyagé 8 mois. Elle est partie en juillet 2020 et elle vient d'atterrir hier. Et c'est le 5e véhicule depuis 1997 qui réussit son voyage jusqu'à Mars. Et ça va être une autoroute bientôt pour aller jusqu'à Mars. Mais il y a déjà 1000 modules autour de Mars. Il y a des sondes chinoises, américaines. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup de programmes qui sont internationaux. Ouais. Et Il y a une sonde Emirati aussi, d'après ce que j'ai vu. Oui, Emirati, exactement, Daniel. Ouais. Et il y a Alors, Emirati, c'est pour la météo. La sonde chinoise, c'est pour la topographie. Et l'équipe internationale avec Persévérance pour l'analyse des sols. Et les échantillons doivent être ramenés dans 10 ans. La prévision dit qu'ils reviendront sur Terre en 2031. Et alors pourquoi 10 ans en fait pour ramener des échantillons? Parce qu'il va falloir renvoyer un module sur Mars. pour récupérer les échantillons, repartir. Et ça, avec l'alignement des planètes, tout ça, tu peux pas décoller à n'importe quel moment. D'accord. Il va falloir attendre pour que tout se réaligne. Parce que c'est en général tous les 24 mois l'alignement Mars-Terre. Ah, et finalement, c'est pire que le Covid. Si tu veux partir en vacances sur Mars, c'est pas pratique, quoi. Alors, on n'est pas prêt de partir en vacances sur Mars. Hein, ouais, t'es obligé d'attendre un alignement des planètes, tout ça. Exactement. Il ouais, faut prendre en compte le trafic. Ah, c'est chiant. Je suis désolé les garçons de pourrir vos rêves, mais ni colonie ni terraformation sur Mars ne pourront être faites. On n'a ni les moyens technologiques ni la possibilité de le faire. Et pour l'instant, on peut pas emmener quelque chose de plus gros qu'un ballon de rugby. Donc pour emmener un humain, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Bon après, honnêtement, enfin moi personnellement, ça me fait pas forcément rêver d'aller sur Mars, quoi. C'est un peu rouge et sans eau. Et vide. Ah oui. Alors si, il y a de l'eau sous forme de glace. Ouais. Et mais oui, c'est un peu. C'est longtemps qu'ils ont découvert ça de l'eau sous. Oui, parce que l'eau elle est au pôle. Enfin, si, ça fait quelques moments qu'ils ont depuis Curiosity, ils savent qu'il y a de l'eau au pôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est rigolo sur Mars. Il y a une seule montagne. Enfin, il y a plein de petites vallées, mais il y a une énorme montagne qu'ils ont baptisée le Mont Olympe, qui fait trois Everest de haut. Ah, ça c'est pas mal pour partir au ski. Elle atteint presque la stratosphère de la planète, presque dans l'espace. Ah ouais. Mais donc c'est en haut, était quasiment comme si c'était dans la stratosphère, quoi. Petite exactement. Question. Bah, c'est un volcan perpétuel et les scientifiques estiment que les tectoniques des plaques de Mars font que ça se réunit que au pôle sud et en fait ça fait que faire grossir le mont Olympe et que c'est une forme particulière de tectonique des plaques. Et c'est pour ça qu'ils veulent étudier. Va y avoir un milliard de trucs, comme disait hier sur le live Twitch de Arte. Il y avait Axolot qui présentait avec plein de scientifiques qui ont participé à la mission. Il y a un scientifique qui disait, il y a ce qu'on croit savoir, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on pense pouvoir savoir, et il y a ce qui va être en réalité. Ouais. Et c'est genre incroyable. Genre, et ça voudrait dire, parce que tu parles de tectonique des plaques, qu'il y a beaucoup plus de tremblements de terre sur Mars que sur Terre. Alors, il y a des tremblements de terre qui ont été enregistrés, c'est pas les mêmes amplitudes. Et c'est pas les mêmes mouvements non plus, mais il y a 1 000 milliards de choses à découvrir. Genre, c'est pas une échelle de Richter, mais planète... on est pas encore allé là-bas, Richter. C'est une nouvelle planète qui s'offre à nous, clairement. Enfin, au niveau humain, c'est vraiment mais improbable. J'ai une petite question par rapport au Mont Olympe. Je sais pas si tu pourras me répondre ou pas, de toute façon, mais je tiens à te la poser quand même. Tu dis qu'il a fait 3 fois l'Everest, mais il se base sur quel niveau? Parce que nous, on se base sur le niveau de la mer, mais. Ils se battent sur le niveau de la Terre, en fait, sur le sol. Ouais, sur le sol, entre le sol et le sommet, en fait. C'est ça. Ah ouais, mais quel sol? Enfin, je sais pas. Bah, il y a bien un sol sur Mars, t'es dit. Il y a bien un endroit plat. Imagine, t'es en chaussée. Ah ouais, mais pourquoi ils prennent un... Tu montes au deuxième. Non, mais tu mesures entre le sol et le deuxième. J'ai bien compris, mais pourquoi tu prendrais un point? Pourquoi il serait lui le référent et pas un autre? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Enfin, il y a de l'eau sur Mars, mais il n'y a pas de mer. On peut pas mesurer par rapport au niveau de la mer. Oui, non, mais ça, j'ai... On mesure par rapport... Ouais, justement, la question n'est pas idiote, hein, quelque part. Hein. Ouais, c'est... En fait, oui, pourquoi ils ont pris un point... En fait, ils ont fait un relevé topographique de Mars, ouais. Et ils ont pris là où c'était le plus global. Genre, il y a des creux, des bosses, évidemment, mais il y a des endroits parfaitement planes. Il y a une moyenne, quoi. Voilà, exactement. C'est bizarre, c'est tiré par les cheveux. Mais je prends cette réponse. Quand t'as pas d'eau, tu fais avec ce que t'as. Ouais, c'est bah. Ça, ouais. Exactement. Tant pis. Et surtout, la petite truc hyper rigolote, enfin, là, c'est un exploit dans tous les sens du terme parce qu'il y a plein de choses nouvelles, dont les scientifiques vont se payer un kiff. La NASA veut également essayer de faire voler pour la première fois un engin motorisé sur une autre planète qui sera un hélicoptère. Ils ont embarqué un hélicoptère, enfin une forme de drone, sur Perseverance, et vont essayer de le faire décoller et de le faire voler pour faire des images de drone de Mars. J'aurais préféré que ça soit une 205 GT, mais soit. Mais non, ça décolle pas. J'ai cru que leur kill aurait été de. Dépend, si tu prends ton élan. Avec Théo au volant, elle va décoller. Hein. Ça décolle grave. Non, moi j'aurais pensé qu'au lieu de ramener que des cailloux et tout ça, tu sais, ils ramènent des glaçons pour faire un whisky. Ou... Oui, ils ont que ça à foutre, oui. Effectivement, 8 mois, les glaçons, tu crois pas qu'ils auraient fondu en plus? Mais non, dans l'espace, ça va. Petit fun fact, le mont Olympe, Olympus Mons, est le plus grand volcan du système solaire. Ah ouais. Enfin, que l'on ait découvert en tout cas, non? Ou... Bah, le système solaire, on commence à bien le connaître. Hein. Franchement, ouais. Notre système solaire, j'ai pas dit notre galaxie, hein. Notre système solaire, on commence à avoir un peu de données dessus, hein. Clairement, tout ce qui est observable. Puis de toute façon, les autres planètes, c'est des planètes gazeuses, donc il n'y a pas de formation rocheuse. Comme ça, ça règle le problème. Ok, eh ben, on ira faire du ski dans quelques années sur Mars, mais ça ne sera pas pour notre génération. Même si vous êtes, encore gamin, bah, ça m'étonnerait que ça vous arrive. Voilà, oh, soit, non, franchement, les gens, les jeunes qui écoutent là, qui ont peut-être une dizaine d'années, je suis pas sûr que ça leur arrive pas, hein, parce que vu les progrès qu'on a fait, enfin, oui, c'est incroyable. Le ski sera dépassé. Bien avant. Depuis 97, on a envoyé 5 robots là-bas, ouais. Dont un qui a fait le voyage en 7 mois, qui a atterri, enfin, qui a à Marcy de manière nickel de chez crème. Vu la technologie à laquelle on avance et si on est en coopération internationale vraiment de tous les côtés, honnêtement, je pense que le voyage humain pour Mars, il va pouvoir être faisable dans quelques une soixantaine d'années. Non, mais par contre, je voudrais rebondir sur le coup du ski. Je pense qu'on ne pourra pas faire de ski parce que le problème, c'est qu'il va falloir fabriquer les remontées mécaniques. Et là, quand même, ça va faire beaucoup à emmener. Hein. Bah oui. C'est ça, et puis c'est interdit en plus en ce moment, les remontées mécaniques. Exactement. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois pour faire des skis. Et il n'y a pas de neige surtout, c'est ouais, ça. Putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Léger détail, que voulez-vous. Okay. Bon, vous l'avez compris, ce soir, on parle d'espace, on parle de Mars, on va parler de la Lune aussi beaucoup dans un instant parce que je vais vous parler des musiques de l'espace et en vrai j'ai fait une liste non exhaustive hein, des titres qui parlent de l'espace et il y en a beaucoup qui parlent de la Lune. Voilà, donc petit top dans un instant de musique, on aura le quiz bien sûr à la fin de cette émission. Et puis on a de la musique tout de suite avec Boys Avenue qui reprend Waiting on the World to Change sur Indestar dans cette émission à la maison. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Exactement les enfants, jusqu'à 23h grand minimum hein, pour parler d'espace et d'aéronautique, non mais plus de j'allais dire cosmétique, mais le cosmos, les étoiles, Mars, la Lune et les chansons qui parlent d'espace et de Lune ce soir dans un petit top non exhaustif. Parce que oui, dans ma liste, j'ai cherché donc toutes les chansons qui pouvaient parler d'espace et je suis tombé surtout sur des chansons qui parlent de la Lune, parce qu'on a la tête dans la Lune, parce qu'on est des personnes lunaires, parce que l'homme a marché sur la Lune en 69, rappelez-vous. On est lunatique. Et que ça a marqué le monde entier. Oui, Teddy ? On est lunatique. On est lunatique, oui. Alors toi, surtout. Mais moi, ça va. Allez, hop, c'était gratuit. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais il a cherché, hein. Faut le dire, il a cherché. Je connais pas la définition. Et puis, ça a été le rêve de l'homme hein, de marcher sur la Lune de très nombreuses années, même avant de se concrétiser. C'est d'ailleurs pour ça que Fly Me to the Moon de Felicia Sanders, à l'origine, a été créé en 1954. Même si c'est la version de 64 que l'on connaît plus hein, de Frank Sinatra qui nous a marqué. Et puis, elle nous a marqué aussi parce qu'elle est arrivée juste après l'assassinat de Kennedy. Fitzgerald Kennedy, d'ailleurs, Teddy, hein, et non pas Jordan Kennedy. Ouais. Petite référence à une ancienne émission. Virginie, si tu nous écoutes, c'est pour Kennedy, toi celle-là. Ouais, Kennedy voulait que les Américains aillent sur la Lune. Bon, surtout que ça soit pas les Russes, hein, parce que guerre froide, tout ça. Mais Emmène-moi sur la Lune, Fly Me to the Moon, est une très belle chanson. Même si elle a été aussi interprétée par Danny Brion, faut le savoir. Ah bah, c'était vachement court l'extrait. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. Très jazzy, hein. Veut exaucer d'ailleurs le 20 juillet 69, hein, date exacte du premier pas sur la Lune. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, ou à quelque chose près, ça, parce que ça peut être exactement ça qui a été dit. 69, c'est l'année de sortie également du premier album éponyme de David Bowie, qui a ensuite été renommé en 72 Space Oddity, du titre de la première chanson, qui est un peu la seule de l'album à avoir cartonné, hein, faut bien l'avouer. Mais dans les paroles de cette chanson, il incarne l'astronaute Major Tom, qui est en discussion avec le centre de contrôle au sol. Et on devine que l'issue du vol va être fatale. Quoi. Vive la gaieté. Alors, J'aimerais. Il y a une hallucination auditive sur cette chanson. Je sais pas si vous la connaissez. Si, vas-y. C'est toi qui l'entends. Est-ce qu'on la refait? Franchement. Mais non, cette fois-ci, tu l'as dit. Faut le dire avant. Ouais. Je crois que c'est prendre le contrôle de mes tétons. Voilà. Vas-y, balance. Voilà, bon, maintenant vous avez la hallucination auditive dans les oreilles. À chaque fois que vous entendrez cette musique, vous penserez à ça. Ça fait plaisir. Cette chanson qui a été reprise en 2013 par l'astronaute canadien Chris Hadfield, qui l'a réenregistrée à bord de la Station Spatiale Internationale en réadaptant les paroles à sa mission, et ça a fait un petit carton sur YouTube. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Et pour en revenir à Bowie, il a fait lui aussi d'autres titres dans sa carrière en rapport avec l'espace. On a eu Live on Mars, hein, qui est un pile poil dans l'actualité. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. On a eu aussi Ashes to Ashes. Donc voilà, quelques titres en rapport avec l'espace, parce que notre monsieur était fanat d'espace. Et 10 ans après avoir marché sur la Lune, il y a le groupe The Police qui se réveille et qui sort Walking on the Moon. Walking on the Moon. Posé avec un bédo. Oui, alors non, t'as dit. Mais vu que tu vois qu'il y a d'un coup pour la santé. Illégal en plus. Voyons. Ouais, mais ça fait penser à ça. Donc extrait du super album Regatta de Blonde et chanson où Sting qui a écrit la chanson. Il fait un parallèle entre le sentiment amoureux et être en apesanteur sur la Lune, parce que selon lui, être amoureux, c'est un peu comme être soulagé de l'apesanteur. C'est logique. Et le clip de cette chanson, et je dis bien le clip et non le Scopitone, hein, même si on est encore en 79, le est tourné au centre. Le Scopitone. Ah, je vais expliquer. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose, Père Théo? Alors, avant les clips, et on en avait un petit peu parlé quand on avait parlé des années 80, de Michael Jackson avec Thriller et de MTV, etc. Ouais. Ça a été vraiment l'avènement des clips musicaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec une vraie mise en scène, comme si c'était un mini-film. Ouais. Et avant, rappelez-vous, dans les années 60-70, on avait un autre genre de, entre guillemets, clip, où on avait souvent un mec tout seul derrière un décor fond blanc ou ce genre de choses. Il se passait pas grand-chose. Et on parlait pas encore de clip, on parlait plus de Scopitone en France. C'était comme ça qu'on avait ce genre de film. T'es très moche comme nom, mais voilà. Ça, ah, je vais faire un Scopitone. Oh là là, c'est génial. Attention, ça va cartonner, le Scopitone. Ça fait penser à coloscopie, je sais pas pourquoi. D'accord, ouais. Mais là on peut vraiment parler de clip, hein, pour cette chanson qui a été tournée au Centre Spatial Kennedy en Floride. Donc encore une preuve que Police aime l'espace. Et ça se voit aussi dans le clip. Beaucoup d'années plus tard, on s'installe sur la Lune, carrément en 92, avec un titre de REM. Mais c'est trop bien, Irène, arrête. J'ai dit, aucun goût musical, faut savoir, les amis, si vous venez d'arriver, bon, si vous êtes habitué de l'émission, vous savez. J'ai juste dit rock'n'roll. Voilà, hein, je me fais clasher gratos, j'ai juste dit rock'n'roll. Et là, bam. Excuse-moi, j'ai entendu, quelle horreur. Je préfère, mais rien entendu, mais j'ai suivi Audrey qui avait dit quelle horreur. Alors, vous êtes des bâtards. Alors moi, j'ai entendu rock'n'roll, hein. D'accord. Merci Daniel. Autant pour nous. Je préfère. C'est normal d'aller sur Mars. Hein. Que vous connaissez tous Losing My Religion et donc aussi cette chanson et plein d'autres. C'est un extrait Man on the Moon. C'est un extrait de l'album Automatic for the People. Et dans ce titre, on dénonce, puisque en fait, on fait référence aux théories du complot d'alunissage à l'époque, comme quoi c'est un gros fake et que ça aurait été filmé en studio. Donc, il y a un parallèle qui est fait avec une autre histoire, et la chanson a donné son nom au film Man on the Moon, qui lui est sorti en 1999. Voilà, pour la petite anecdote. Mais avant 99, en 94 exactement, on sort un petit peu de cet auto-centrage sur la Lune pour aller au-delà, dans les profondeurs abyssales de la déprime. Avec un titre de Portishead que j'aime beaucoup, comme beaucoup d'autres titres de Portishead d'ailleurs. Le titre s'appelle Wandering Stars et ça donne ça. Please, étrange. C'est du trip hop. C'est comme Morshiba, c'est comme d'autres groupes. Je me demande si je préférerais pas la version Rasta. Oui, mais c'est pas du tout la même chanson, t'es dit. Oui, oui, oui. Là, on plonge carrément dans la noirceur du côté obscur de l'univers, tu vois. La force. Les paroles, c'est « Étoile vagabonde pour ceux à qui est réservée la noirceur de l'obscurité pour toujours, étoile errante pour qui est réservé le noir de l'obscurité pour toujours. » En gros, tu vas passer un bon moment. Vache. Soit c'est une gothique, soit c'est une suicidaire, le mec. C'est un peu ça, le trip-hop. Hein. on s'amuse, youpi, quoi. Wow. Un groupe français au début des années 2000, histoire d'en remettre une couche sur la lune, avec une chanson que vous connaissez tous parce que ça fait 20 ans qu'on se la bouffe à la radio. Si je vous dis Indochine, vous me dites La Chine. Il a demandé, j'ai demandé à la lune. À la lune, évidemment, Daniel. La lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures. Et la lune s'est moquée de moi. Alors, petit fun fact, est-ce que vous savez qui a écrit cette chanson, sachant que vous allez me dire Indochine, mais non. J'allais dire Indochine. Oui. Voilà. Donc, du coup, non. Non, par contre, je crois que j'ai une autre info dessus. Si je vous dis le titre Respire, Audrey. Mickey 3D. Mickey 3D qui a écrit cette chanson pour Indochine, qui était une phase B d'un nouvel album et qui a été envoyé en radio pour jouer la phase A. Et les radios se sont dit, mais la phase B, elle est cool. Et du coup, toutes les radios se sont mis à mettre cette chanson à la radio. Donc, j'ai demandé à la Lune. Et en l'écoutant comme ça, on se dit que c'est une balade innocente, mais c'est un peu plus profond quand même, parce que ça parle du fait qu'on se sent seul au monde quand on est victime de rupture amoureuse, qu'on est dans l'incompréhension, qu'on se sent abandonné et fragilisé tel un enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, dans la chanson, il y a une petite fille qui chante. Et justement, c'est sa fille. Sur la petite fille. Allez, vas-y. Bah, Teddy vient de le dire. Ouais, ça je le savais, c'est sa fille, et c'est ce que je voulais te demander. Et normalement, sa fille apparaît dans ce clip. Oui, oui. La fille non pas de Mickey 3D, mais... Non, d'Indochine, enfin du gars. Hé, j'avais un truc. Nicolas Sirkis, exactement. Mais qui était pas prévu, en fait, à la base. Hein. Elle est passée comme ça au studio, et puis... Elle a vu de la lumière, et elle est rentrée. Pour le fun, et ils se sont dit, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut. Bah, évidemment, c'est toute l'histoire de la chanson. Un enfant. Et enfin, dernier titre de ma sélection qui date de 2010, pas ma sélection mais la chanson, il est signé Eminem et il s'appelle Spacebound. Il fait un rappel de ce que j'ai dit il y a 5 minutes parce que dans l'instru de ce titre, il y a un sample de REM. Il y a pas mal de métaphores dans le titre hein, en termes de paroles, l'espace qui représente la liberté, les étoiles qui représentent la mort. Et du coup, dans le clip, il y a un suicide d'Eminem qui se met une balle dans la mâchoire, donc âme sensible s'abstenir, n'est-ce pas ? C'est tragique, mais c'est aussi poétique. C'est un melting pot. Eminem, quoi. Oui, exactement. C'est tout. Globalement. C'est sur ce bien joli mot que nous allons écouter l'extrait pour terminer ce top. Eminem Spacebound. Alors après, il y a plein d'autres chansons hein, qui traitent de l'espace, de la lune, etc. Mais qui sont pas forcément... des fois, on cite la lune ou l'espace dans la chanson, mais c'est pas forcément le thème central. Donc là, j'ai essayé de recentrer un petit peu sur les thèmes centraux. Et j'en ai certainement oublié, mais c'était ma petite sélection du soir. Toute époque confondue, en commençant par le plus ancien pour aller au plus moderne. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les amis ? Il manque peut-être la plus vieille de toutes les chansons. Hein. Qui serait ? Au clair de la lune. Ah, c'est pas faux. Hein. J'allais dire Edith Piaf, mais je l'ai pas mis dans ce top. Mais au clair de la lune, mon ami Pierrot. Mais bon, le clair de lune, en même temps, c'est surtout ce qu'on voit sur Terre. Hein. Oui, donc c'est pour ça. C'était. C'est pas une erreur complètement. Non. Et puis, mais bon, c'est vrai que c'était en rapport avec l'année d'écriture de la chanson. C'est-à-dire que quand on regarde là l'évolution, à un moment donné, on rêve d'aller sur la lune. Après, on met le pied sur la lune. Après, on s'installe sur la lune. Donc, au clair de la lune, voilà. On la voyait. C'était déjà pas mal. C'était dans le temps. On pouvait faire que ça. On pensait même pas y aller dedans. Exactement. C'est ça. On n'imaginait pas qu'un jour l'être humain puisse aller sur la lune. Et pourtant. On va écouter un bootleg. Un remix plutôt, Savage Love de Jason Derulo, qui était remixé par DJ Wills sur Indestar. Et dans cette émission à la maison spéciale univers, spéciale hors de terre, nous allons parler jeux vidéo dans un instant avec notamment Star Ocean The Last Hope qui sera détaillé par Teddy. Teddy qui est un petit peu notre geek de l'équipe puisque je la n'ai pas là ce soir. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Ouais, parce qu'on est pas mal ici sur Indestar, un peu plus de 21h30 et vous êtes bien pour passer la soirée ici sur Indestar.fr, sur toutes les applications d'écoute. Et imaginons que vous ayez loupé le début de cette émission et l'intervention très intéressante de l'amarcissage. Eh bien, vous pourrez réécouter cette émission dès demain en podcast sur toutes les plateformes. Vous avez iTunes. Allez, je vais sur iTunes. Non, c'est qui s'appelle Apple Podcast d'ailleurs. Maintenant, vous avez Spotify. Ah bon, oh, je vais sur Spotify. Vous avez Deezer. Oh, je vais sur Deezer. Vous me dites hein, si je suis saoulant. C'est avez... hyper chiant. D'accord. Alors, on va parler de jeux vidéo ce soir. On a beau y dire qu'il est hyper chiant, il continue. Hein, il a ça. Ah non, je fais la transition avec le jeu vidéo Star Ocean. Chance. Oup. Teddy, tu veux nous en parler parce que c'est un jeu qui parle d'espace, imaginons. C'est pas faux. C'est même plutôt vrai. Ça parle de l'humanité qui s'est exportée dans l'espace après une troisième guerre mondiale. Hein, exportée. Ah, non, c'est pas exportée. Délocalisée, quoi. Expatriée. Elle a immigré, ouais. Ouais. un mot de ce genre-là qui est parti de la Terre, voilà. D'accord. Ouais, immigré. Voilà. Bah bon. Pour reprendre les bases, donc Star Ocean, The Last Hope, c'est le quatrième opus de la saga. Il y a eu d'autres Star Ocean, il y en a même un après qui s'appelle Star Ocean. Alors je me suis quand même embêté à dire Star Ocean et toi tu rien à faire. Hein. Parce que c'est Star Ocean. Star Ocean, ça D'accord. fait trop penser à Ocean Eleven, ça me plaît pas. Oui, parce que c'est le même mot. Non mais ouais, faites ça, dites Star Ocean, c'est bien. Ouais, okay. C'est pas mal, ça sonne mieux, Star Ocean. Alors, c'est sorti sur Xbox 360 en tout premier en 2019, suivi de la PS3 en 2010. Et bien après, en 2017, c'est sorti sur PS4 et PC. Donc, alors tu m'as dit, attends, 2019 au départ, c'est 2009 plutôt, non? Ah bon? J'ai dit 2019? Ah bah non, ouais, c'était 2009. Oui, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui va pas. Alors, 2009 pour la Xbox 360, okay. 2010 pour la PS3 et 2017 pour les PC et PS4. D'accord. Okay. Non, mais il faut savoir que Teddy mélange mieux la farine que les dates. Hein. Et encore. Non, si, quand même. Non, si. Vraiment. Donc, c'est un jeu qui a été créé par Treehace et Square Enix. Square Enix, que vous avez peut-être déjà entendu parler dans PK Avenger, évidemment, parce qu'on en parle souvent. Notamment. Quel jeu vidéo ils ont fait de connu parce que ça me dit quelque chose Final Fantasy, peut-être. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. C'est peut-être juste ça. Ouais. Oui, non, mais clairement. Depuis la nuit des temps, Final Fantasy. Oui. Square Enix, en fait. On en est au combien d'opus de Final Fantasy? Attends, c'est pas. 14, 15. 15, je crois. Seulement? Ok. Ah, oui, j'avais l'impression que c'était déjà pas mal. Ah, mais c'est énorme, mais j'avais l'impression que c'était encore. Le 14, je crois qu'il se joue qu'en ligne. Et c'est ça. Le 14 en ligne et le 15 qui pourrait te plaire d'ailleurs, parce que c'est des mecs en bagnole. C'est un road trip de 4 gars en bagnole. Oui, mais alors le seul Final Fantasy auquel j'ai joué, j'ai trouvé ça hyper chiant parce que tu devais taper sur des gars, sauf que tu pouvais pas te leur taper dessus directement, t'étais obligé de commander un truc pour que le gars le tape. Est-ce que t'avais une voiture ? Non, il y avait pas de voiture. Bah voilà, donc t'as pas joué au bon Final Fantasy. Vrai qu'avec une voiture, tu... Ah bah ouais. Ça m'a pas... La Regalia, mais je veux cette voiture dans la vraie vie. Mais c'est même pas une vraie voiture. Star Ocean, ça donne quoi? C'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet. Hein. Donc, c'est Square Enix qui a édité le jeu, et c'est Treehace qui l'a créé. Treehace qui est connu aussi notamment pour avoir fait Valkyrie Profile. Donc ça, c'est avec mon français de merde. Donc ça doit donner Valkyrie Profile, j'imagine. Yeah. Ils ont fait aussi un FF. Alors, Treehace, ils n'ont pas fait tous les Final Fantasy. Hein. Ils n'en ont fait que deux. C'est le Final Fantasy 13.2. Parce qu'il y avait 13, 13.2. Et le troisième. Ah, bah, c'est pour ça qu'en fait, on n'en est pas au 42e. Ouais. Il y en a qui ont des suites. On est 13.8. C'est ça. Et le 13, bah, il a deux suites en fait. Il y a le 13.2 et il y a le 13 Lightning Returns. Voilà. Mm. Donc, il pèse dans le game, mine de rien. Donc, quand tu sais que ces gens-là ont fait ce genre de jeu, tu t'attends déjà forcément à un bon jeu. Oui. Et est-ce que c'est le cas ? Évidemment que c'est le cas, même s'il n'a pas fait de l'unanimité, parce que c'est un JRPG. Donc c'est un jeu de rôle japonais. Donc à la sauce japonaise, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Comment on peut dire ça ? Pas de fioritures, mais... de culture japonaise dedans. C'est un style à part entière quand tu parles de JRPG. Genre, est-ce qu'il y a un FRPG par exemple en, pour la France? Alors non, parce que les Français sont très nuls en, en RPG. Non mais en France, on n'a pas vraiment de grands jeux, de grandes licences de RPG. Il doit y en avoir, j'imagine, mais c'est pas, je sais pas. On est connu plus pour Ubisoft, voilà. Et Ubisoft, ils ont pas spécialement plus que ça. Non, mais il y a pas. Il y a que les Japonais qui ont un JRPG en fait. Il y a les RPG et il y a les JRPG. Ils ont créé une catégorie kappa, enfin à part. À part parce, ouais, parce qu'il y a une vraie différence de culture, j'imagine, dans le dans d'esthétique, les jeux. Je dirais d'esthétique et de d'humour. De l'humour à la japonaise comme on retrouve dans les mangas et un esthétique qu'on retrouve aussi dans les mangas. Bien sûr, il y a des mangas autres que japonais, mais bon, ils ont quand même une certaine base assez solide là-dessus. Donc bon, un RPG, faut aimer. Ça ne s'adresse pas à tous les joueurs, c'est quand même une niche assez fermée et qui se ferme de plus en plus. C'est voué à disparaître. C'est quoi, rappelle-nous, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas forcément experts en jeux vidéo, le RPG, c'est quoi? En fait, c'est le jeu de rôle. Donc, en gros, tu incarnes un héros qui va suivre une histoire prédéfinie. Ce n'est pas toi qui va influer trop sur le jeu. Toi, tu vas suivre l'histoire de ce héros. Voilà, donc ça, c'est un RPG. Tu rajoutes un J et ça te fait un JRPG. Parce que ton personnage a des tendances à être déguisé comme... comme si tu faisais du cosplay, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors que, bon, il explore l'espace et sa tenue n'est pas très explorateur spatial, hein, clairement. Mais bon, c'est stylé quand même. Ce jeu est un peu innovant parce que tu peux combattre avec 4 persos en temps réel. Je m'explique. Tu as 4 personnages, tu en contrôles que un, mais tu peux switcher à n'importe quel moment de personnage, donc switcher, changer de personnage. Et tu évolues dans l'espace, en fait. Dès que tu prends n'importe lequel de tes personnages, en fait, tu bouges de la droite à gauche, tu es libre de tes mouvements, tu n'as pas de barre de chargement, tu as de la magie, bien sûr, mais tu dois recharger tes points de magie, mais tu peux bouger dans tous les sens, tu peux attaquer sur les côtés, par derrière, comme tu veux, en fait. Ce type de combat, et avec 4 persos que tu peux changer comme ça, en plein combat, à n'importe quel moment, c'est assez rare, et c'est plutôt bien fait. Parce que pendant ce temps-là, les 3 autres joueurs, évidemment, ils sont contrôlés par une IA, on va dire, intelligente. Parce que c'est toi qui la programme à l'avance, en disant, tiens, toi, tu vas faire ça. Une intelligence artificielle intelligente, c'est plutôt pas mal. Effectivement. Bien vu. Ah, mais ce que je veux surtout axer, c'est que c'est toi qui peux la manier. Tu peux la programmer, ton intelligence artificielle. Tu peux leur dire soit juste d'attaquer bêtement, genre coup d'épée. Ou alors, à un moment, coup d'épée, mais là tu souhaites parce que lui est blessé. Tu vois, tu peux programmer pour être, je sais pas, plus autonome. Enfin, pour être plus efficace en combat. C'est une intelligence artificielle qu'on programme. Ouais. Oui. C'est assez marrant. C'est putainement une intelligence artificielle. Ah, disons que c'est pour s'adapter aux préférences des joueurs et à comment tu veux jouer. Parce que en fonction. Tu programmes avant, tu paramètres. Ah oui, tu programmes avant parce que si tu programmes en même temps, vu que c'est en temps réel, c'est chaud. Hein. Je te cache pas. Je suis pas sûr que ce soit possible. Non, mais comme je t'ai écouté, je croyais que c'était pendant le jeu. Tu faisais tes préférences pendant le jeu. Pendant que je t'écoutais, je croyais ça. Ah, c'est non, non, non. Non, non, tu fais tes préférences de combat avant. D'où l'intérêt de faire attention à quel monstre tu vas affronter, à comment tu vas te battre, parce que forcément tu adaptes ta technique et tes préférences d'IA en fonction de l'adversaire que tu affrontes. Ce qui paraît assez logique au final. Peut-être. Je vous sens perplexe là, je vous ai perdu. Surtout si tu as envie de gagner maintenant, si tu veux tricher pour perdre, t'as le droit. Mais... Oui, voilà, si tu veux mettre genre... Ouais, il attaque pas, il bouge pas ton personnage, bah ouais, c'est un peu con. Mais bon, ça peut arriver, sait-on jamais, ça peut faire partie d'une stratégie. Mais bon, pour en revenir à l'histoire du jeu, parce que maintenant que je vous ai présenté comment ça jouait, autant faire un peu d'histoire. La Terre... Attends, je me suis trompé d'ardoise. Hop là, ça c'est mieux. Dans un avenir lointain, donc comme je vous l'ai dit, la Terre, elle a été ravagée par la 3ème guerre mondiale. Donc les humains qui sont encore en vie, ils se sont expatriés sur la Lune. Ils ont créé une base lunaire dans le but de découvrir l'espace et de trouver une nouvelle Terre habitable. Parce que la Lune, c'est bien, mais c'est pas forcément très habitable. Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de, t'es en train de dire, on pourrit chaque planète sur laquelle on va et pour aller en conquérir une autre. Il y a souvent cette moralité-là dans les jeux vidéo type espace. La Terre souvent est devenue cauchemardesque, soit par rapport aux humains, soit par rapport aux humains. C'est souvent. Alors clairement, c'est souvent à cause des humains. Soit éventuellement par rapport aux humains. Ouais. Ça peut aussi. C'est Je dirais même par rapport. Aux... Non, c'est bon. Donc oui, les humains, ils ont foutu la planète en l'air, ils ont créé une base lunaire, maintenant ils cherchent une nouvelle planète pour y habiter. Donc bien sûr, il n'y a plus autant d'humains parce qu'il y a beaucoup qui sont morts, mais il en reste quand même, ils développent des nouvelles technologies, notamment des technologies pour voyager dans l'espace avec une certaine vitesse lumière pour aller très très loin. Et bon, ça met du temps, ça met une vingtaine d'années à se construire. Et au bout de 20 ans, on envoie notre première flotte, donc composée de 5 vaisseaux, dans le système... non, pas dans le système solaire, mais dans je sais pas où. Loin. Très loin. Voilà. D'accord. Dans une galaxie très lointaine. Exactement. Vers une planète qui nous semble habitable, qui s'appelle Aeos. Et nous, on va s'intéresser particulièrement à notre héros principal, qui se trouve sur le cinquième vaisseau, qui s'appelle le Calnus. Notre héros qui s'appelle Age Maverick et sa copine, enfin son ami d'enfance, Raimi Sayonji. Ils sont sur ce vaisseau, ils sont membres de l'équipage. Ils vont atterrir sur cette fameuse planète Aeos. Ils vont découvrir un biome totalement inédit parce que forcément ils n'ont pas découvert autre chose que la planète Terre. Là c'est totalement différent, c'est extraterrestre tout ça. Mm. Bon, c'est plutôt cool, ils découvrent, ils essayent de voir si ça peut faire un bon... un bon lieu de vie pour les humains. Et c'est sans compter sur la petite surprise du chef qui est de rencontrer un monstre. Pas humain, non. Alors oui, des monstres, forcément. Il y a des créatures. Il y a des créatures extraterrestres, clairement, mais des créatures qu'on va dire des bêtes sauvages, extraterrestres. Mais ils vont surtout rencontrer quelqu'un, on va dire une espèce humanoïde inconnue. Donc c'est un Eldarien. Qui vient de la planète Eldar, mais qui parle leur langue parce qu'il a un petit appareil pour traduire les langues. C'est plutôt cool. Ah bah, il a Google Traduction comme tout le monde. Il a Google Trad, évidemment. Et ils vont se lier d'amitié avec et vont découvrir que leur peuple aussi, leur planète, elle n'existe plus. Donc ils vont faire alliance avec le peuple des Eldariens pour chercher une planète dans le système pour pouvoir s'y établir. Ouais. Ils vont faire plein de rencontres. Pour pouvoir accueillir tout le monde en fait. Pour pouvoir accueillir tout le monde, ouais. Parce que les Eldariens sont plus très nombreux, non, aussi. Et ouais, justement, vu qu'ils sont plus très nombreux, là, ils ont hâte de trouver quelque chose. Parce qu'eux, ils vivent que dans des vaisseaux. Et bah, ils vont être vite surpeuplés. Donc, faut qu'ils cherchent, faut qu'ils trouvent vite un lieu pour se poser. Donc, ils cherchent. Et, ils vont explorer la galaxie. On va se trouver des compagnons. Alors là, l'extraterrestre, enfin l'Eldarien, il s'appelle FaZe. Ça va devenir ton meilleur pote. Tu sais ce que ça me rappelle, ton truc là, les deux peuples qui cherchent une planète pour laquelle se poser, etc. Alors ça va pas te parler, et à Audrey non plus, je pense pas, mais à Daniel beaucoup plus, c'est les Shaddock. Oh là. Ouais, je connaissais pas du tout. Vraiment. Une série animée des années 60 ou 70, des années 60. Et les Shaddock qui vont jusqu'à la Terre à un moment donné, mais ça m'a fait penser à ça. Ma foi. Bah, là, on va rencontrer d'autres races d'extraterrestres. On va rencontrer des extraterrestres avec des oreilles de chat. Ça, c'est pour le. Comment on appelle ça? C'est le fan service. Parce que tous les Japonais adorent les oreilles de chat. Tout le monde adore les filles avec des petites oreilles de chat et des queues de chat. Pourquoi? Je sais pas. Juste mais c'est comme ça. L'oreille et les queues. Hein? Juste l'oreille et la queue, quoi. Ouais, il y a que ça qui change. Ah si, peut-être les mains, c'est plus des griffes. Mais voilà, c'est tout. Okay. Mais bon, c'est cool. Moi, je l'aime bien. Comment ça s'appelle? Meldia, je crois. Meldonia? Alors, je sais plus. Bref, tu vas rencontrer aussi un cyborg scientifique qui a peur de perdre son humanité parce que il est un cyborg. Ouais, alors un cyborg, c'est quoi? C'est un être humain qui est greffé de technologie, qui lui permet d'être plus puissant. Et plus il greffe de technologie, plus il a peur de perdre son humanité. Donc un cas classique qu'on retrouve assez souvent dans les jeux vidéo de SF. Voilà, on a toute la recette pour faire un bon jeu vidéo. Tout ça couplé à un gameplay de génie et à une belle histoire avec beaucoup de terre à explorer. C'est pas totalement open world, mais c'est pas loin parce que c'est quand même vachement vaste. Hein? Tu dis beaucoup de terre à explorer, mais du coup, c'est pas de la terre. Alors, c'est pas de la terre théoriquement, Mais je disais ça par rapport à beaucoup de zones à explorer. De planètes à explorer, notamment. Je crois que tu vas sur 8 planètes en tout, si ce n'est plus. Ouais. Mais même sur les planètes, t'as plein de choses à explorer. Tu peux passer facilement 10 heures sur une planète. Clairement. Mm. C'est un jeu avec une durée de vie très très grande. Sans compter que les Star Océans. Comment expliquer ça dans les succès, parce que sur Xbox, moi j'y ai joué sur Xbox, t'as des succès pour faire telle tâche, tiens, il te donne un petit bonus. Et ben, dans Star Ocean, c'est souvent du 100% ou rien. En gros, si t'arrives pas à faire une tâche au maximum, bah t'as rien en fait. C'est une petite particularité. C'est frustrant pour celui qui joue. Eh ben, faut être bon. Hein. C'est pour ça. Non. Alors, les succès sont pas obligatoires quand tu joues à un jeu vidéo. C'est vraiment pour ton plaisir personnel en tant que joueur. Ouais. Mais c'est pour avoir le fameux 100% de réussite. Exactement. Voilà, le petit trophée, genre, j'ai réussi mon jeu à 100%. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne l'ai pas, par exemple. Je l'ai presque sur aucun jeu, de toute façon. Mais... Quoi ? T'es pas un mec de 100%, toi ? Bah non. Parce que, pour moi, une fois que j'ai fait le tour du jeu, bah voilà. Ça ne sert à rien de forcer juste pour avoir un trophée. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment être accro au jeu. Tu fais le tour du jeu, mais tu fais pas les 100%. Là, il y a. On peut dire qu'il y a certains problèmes de réflexion là. Alors, comment dire ? Je vais prendre l'exemple de Pokémon. Dans Pokémon, vous connaissez tous Pikachu. Ouais, mais t'es pas à 100% dans Pokémon, t'es à 400%. Peut-être. Peut-être, non, mais imaginons, dans Pokémon, quand t'as attrapé tous les Pokémon, tu as fini. Ouais. Tu penses avoir fini. Ouais. Mais non, parce qu'il y a certains Pokémon qu'on appelle les Shiny. Donc c'est des Pokémon d'une forme et d'une autre couleur que la normale. Donc par exemple le Pikachu, il serait orange. C'est un Pikachu shiny, c'est rare. Bah il y a beaucoup de gens qui chassent ce genre de Pokémon. Moi ça m'intéresse pas du tout. Et tout ça pour avoir un self-esteem, j'imagine. Enfin, ça n'existe pas Pokémon sur Xbox. Un bon modage, tu peux le peindre de toutes les couleurs. Ah oui, il y a des triches pour ça, mais. Sur Xbox, ça n'existe pas Pokémon, mais si ça existerait sur Xbox, j'imagine qu'il y aurait des succès pour avoir tel shiny et tout ça. Ça ne sert à rien. C'est les développeurs du jeu qui mettent ça en place pour que tu puisses jouer plus longtemps au jeu sans que ça leur coûte des frais de développement. C'est exactement ça. Donc bon, ça c'est devenu une mode avec les Pokémon, mais dans beaucoup de jeux, c'est pas exactement le. Enfin, c'est plus ou moins la même chose. C'est du contenu, mais sans intérêt. Avoir un Pikachu du haut de couleur, ouais, bof. Enfin. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Quoi. Je veux découvrir tous les Pokémon, mais pas forcément un autre d'une autre couleur. Ça apporte rien. Un Pikachu orange, tu as un Pikachu qui a pris un coup de soleil. On peut dire ça. Mais bon, grosso modo, c'est ça dans Star Ocean aussi. Pour avoir le succès, tu fais beaucoup de trucs que tu répètes plein de fois pour avoir le succès. Oh, c'est un peu dénué d'intérêt, quoi. Et au-delà de ce petit défaut, on va dire, du peu d'intérêt des 100%. Ah, c'est pas un petit défaut, c'est juste moi qui ne fais pas les 100%. Pour d'autres, c'est sacré, clairement. Et ça, je le comprends parfaitement. Et sinon, une note sur 20 pour le jeu Alors, une note sur 20, ça va être compliqué à mettre, mais je vais mettre 17. 17, c'est bien, je pense. Ouais. Parce que pour moi, c'est un très bon jeu. Mais encore une fois, ça s'adresse à une niche de joueurs. Pas à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est une manière de jouer. Parce que c'est quoi ? C'est l'univers qui est trop spécifique ? L'univers est rempli de fanservice et c'est un JRPG. Faut bien le préciser. Ah ouais, c'est donc, ça, ouais, c'est oui. C'est pas. Tout le monde n'aime pas forcément ça. Et puis, le gameplay peut être assez compliqué à prendre en main. D'accord, si c'est déjà réservé pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer. Mais toi, tu y as passé combien de temps sur le jeu ? Ah, je sais pas, moi, parce que je compte pas en heures. Juste pour avoir une idée comme ça de. Il compte pas en heures, il compte en années. Ah, je sais pas, je dirais 80. On a des lumières pendant qu'on est dans l'espace, on a des lumières. Je dirais 80. Ça me paraît. C'est déjà pas mal pour un jeu. C'est un jeu rentabilisé. Ah oui, non, mais c'est un jeu avec une durée assez énorme. Surtout si tu veux le 100%, bah là, t'as de quoi faire. Écoute, ce que je te propose, c'est d'écouter la reprise de Palmas avec Flo qui. J'en rêve encore. Et après, Audrey, tu vas nous parler des chaînes YouTube et des livres qui parlent de l'espace. Exactement. Le 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et on se calme, monsieur. Je sais que t'en rêves encore, mais. J'en rêve encore de la lune, j'en rêve encore de la lune. Et de Mars, excusez-moi, on a repris l'antenne. Ah, là, on a repris, effectivement. Vous êtes toujours Daniel le troubadour. C'est juste Daniel, hein, mais parce que Daniel respire la joie de vivre, et je suis sûr que c'est également le cas de l'autre. Oui, c'est bon parfum, la joie de vivre. Bah, nous avons Daniel le Ménestrel en direct. Oui. En parlant de joie de vivre, joie de vivre, je tiens à faire une petite petite dédicace à quelqu'un qui l'a pas forcément là actuellement tout de suite maintenant. Petite pensée à Cindy qui se tape une rage de dents, qui aurait pu être là avec nous, mais du coup non, parce que parler avec une rage de dents, c'est pas forcément c'est évident. Pas cool. Ouais, ouais. Mais qu'on retrouvera peut-être la semaine prochaine. Parce que ce sera et ben, avec grand plaisir, Cindy, si tu nous écoutes, petite dédicace et à toute la 3ème C. Oui, puis dommage pour toi pour ta rage dedans. Hein, c'est tant pis. Hein. T'as pas de chance. Je préfère que ça soit toi que moi. Alors là, Daniel, c'est le. Ouais, c'est un bel hommage. Hein. Là, on s'en fout. C'est vrai, je préfère que ça soit elle que moi, c'est tout. Hein. Ah bah oui, nous, on préfère tous que ça soit Cindy que nous. Bon, Après avoir parlé musique avec Théo, jeux vidéo avec Teddy, moi je vous propose de visiter un autre pan de la pop culture et évidemment les livres. Spécialiste du bouquin, bonjour. Oui, parce que petit aparté, Audrey, c'est les soldes en ce moment, il paraît. Donc vous avez peut-être été faire les magasins, tout ça, ou achat sur internet. Audrey, t'as été faire les soldes. Qu'est-ce que t'as acheté pendant les soldes? Des livres. Et voilà. Parce que je m'en bats la race des fringues. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Exactement. Donc du coup, oui, la littérature et l'espace, c'est toujours quelque chose qui a extrêmement attiré les gens, puisque la lune, on la voit à portée de yeux. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est un astre qui est présent tout le temps. Et évidemment, on va penser au célèbre De la Terre à la Lune de Jules Verne, qu'il a écrit en 1865. Le livre. Alors, Jules Verne, ce grand auteur, passionné par les sciences, qui a prédit, c'est un roman d'anticipation, comment les gens allaient se déplacer avec alors lui, dans sa tête, c'est un immense canon qui va propulser un obus habité par des astronautes, donc, qui vont, atterrir sur la Lune, s'écraser sur la Lune. Ah, il a pensé aussi qu'il te prend dans la face en tirant le canon. Oui, alors après, c'est toute l'histoire de la technologie, de tout ça. Allez. Et d'ailleurs, le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne a inspiré l'un des premiers films à effets spéciaux du monde intergalactique qui s'appelle Le Voyage dans la Lune par Georges Méliès, que les Français ont pu découvrir le 1er septembre 1902. Ah, j'ai cru que t'allais dire que ça a inspiré l'un des premiers films. C'est l'un des premiers films c'est même le premier film où il y a des effets spéciaux. On voit l'obus atterrir dans l'œil gauche ou droit de la Lune, et c'est devenu une image extrêmement connue. J'ai cru que t'allais dire que ça avait inspiré le premier lancement de fusée. Ils se sont dit, tiens, on va prendre le canon, allez, vas-y. Bon, mets-toi dans ce gros boulet de canon, mec. Ouais, c'est trop simple. Il a fait 200 mètres, hein, mais. Après, pour rentrer, tu te débrouilles, quoi. Déjà pour atterrir, c'est déjà pas mal. T'atterris, tu vas t'écraser là-bas. Ah, bah, ça fait plaisir. C'est ça. Allez, merci, les gars. Alors, on a envoyé le premier homme dans l'espace, on n'a pas dit qu'il allait être vivant à la fin. Après, beaucoup plus... Non, bah d'abord, avant d'envoyer les hommes, on a envoyé les animaux, mais... Laika, la chienne Laika, les choses comme ça. Ouais. Mais surtout, alors, là, on a parlé des débuts de la littérature et des films parlant de la Lune, mais maintenant, on a quand même des astronautes qui sont allés, comme Thomas Pesquet, qui est Cocorico, notre Français qui a vécu deux missions dans la station spatiale. Et l'incroyable vulgarisatrice Marion Montaigne en a fait une BD dans la combinaison de Thomas Pesquet, qui répond à toutes les questions un peu cheloues que vous avez. Comment les astronautes font caca? Est-ce que tu pues dans l'espace? Comment tu te prends une douche dans l'espace? Bref, sur tout ce qui fait la vie dans la station internationale, avec des vrais morceaux de Thomas Pesquet dedans. D'ailleurs, Thomas Pesquet... Des vrais morceaux. Thomas Pesquet, hyper actif sur les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, surtout des chaînes Twitch. Puisque l'amarcissage qu'on a vu hier. Vous le sentez, le virage où on glisse tout doucement vers Twitch? Non, vers les chaînes YouTube. Oui, est-ce que ça ne fait pas ma passion dans la vie? Évidemment. Twitch, où vous pouvez suivre le Twitch de la NASA, où on a pu voir en direct l'amarcissage, les premières images de Persévérance. Et par exemple, les Twitch de Arte, comme par exemple, donc hier soir, par exemple, Arte a organisé avec Patrick Beau, Axolot, un FAQ avec des ingénieurs et des personnes liées à la mission Persévérance qui ont pu répondre aux questions. C'était très intéressant. D'ailleurs, le replay est toujours disponible. Bah, d'ailleurs, petite question par rapport à ça, parce que alors, Twitch, c'est une plateforme qui se développe beaucoup et qui cartonne pas mal, mais pourquoi un événement important comme ça n'a pas aussi été retransmis sur Arte directement? Direct à la TV. Équipe, qui regarde la télé de nos jours? Bah, peu de gens, mais je pense notamment aux plus anciens qui ont suivi le... Alors, la Marseillaise, c'est bien ce que j'ai dit, Daniel, les plus anciens. Étant donné que la Marseillaise était à 22h, je pense pas que les journaux, les télés, pardon, aient coupé leur programme et coupé Colombo, pardon, pour diffuser la Marseillaise. Non, mais c'est ça, non, mais t'as donné l'argument, il y avait Colombo, alors ok, d'accord, ça se comprend. Donc voilà, donc maintenant vous pouvez tout regarder en live. Et puis c'était un événement. Mais ça reste quand même un événement, bon alors c'est planétaire, c'est incroyable, c'est technologique, c'est tout ce qu'on veut, mais comparé au premier homme sur la Lune, oui, c'est moins impactant. Alors, bien sûr. Justement, le premier homme sur la Lune, je vais un petit peu témoigner, je me rappelle très bien, donc j'avais 8 ans, et on s'est élevé exprès, on avait eu le droit de se lever pour voir en direct la retransmission à la télé, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était complètement incroyable. Je me rappelle, il y a un moment donné, il y a eu une rupture de faisceau et on était tous affolés. Après, on a discuté avec les autres. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On était tous affolés. On n'allait plus voir. Vous avez envoyé des tweets? Non, parce que ça marchait pas bien le réseau à ce moment-là. Il y avait un manque de 4G. Mais on était à la moins 1G là. On était. Ouais. Même moi qui ai pu voir donc direct sur Twitch l'amarcissage, j'en ai eu les poils quoi. C'était incroyable de se dire que en direct, il y a un objet qui arrive à atterrir après les 7 minutes de l'horreur, pile poil posé dans le cratère et hop, bam, premières images d'une Terre qu'on ne connaît pas et où on va découvrir plein de choses. Mm-hmm. Et donc voilà, après les chaînes Twitch, partons sur la meilleure plateforme de l'univers. Enfin, pas pour les créateurs, désolé, mais pour se cultiver chez soi, YouTube. Et donc, YouTube, je vous propose deux chaînes. Une qui ne produit plus de contenu maintenant, mais dont les vidéos sont toujours visionnables, bien sûr. La chaîne de l'extraordinaire Florence Porcel, spécialiste de l'astronomie. Et qui va vous parler de plein de choses sur les galaxies, des infos insolites, qu'est-ce que c'est la différence entre une sonde, un orbiteur, un satellite, un rover, les missions robotiques, un lanceur ou une fusée, plein de petites choses comme ça qui vont être hyper bien vulgarisées. Et une chaîne encore active, AstronoGeek, qui lui propose beaucoup de contenu, dont une super émission entre guillemets, enfin une super playlist. Ouais. Il s'est offert le luxe d'avoir l'intelligence et les moyens de faire une série qui s'appelle Hermès, où il considère qu'il a emprunté la navette Hermès à l'ESA et qu'il, à travers ses voyages, à travers les étapes qu'il franchit dans Hermès, on peut découvrir les étranges phénomènes des planètes. C'est quoi Hermès? C'est quelque chose de son imagination ou c'est quelque chose? Non, Hermès, c'est un prototype de fusée habitable que la France a développé. Alors, pareil, il en parle de ça, d'Hermès. Vous pouvez aller apprendre ce que c'est le projet Hermès sur la chaîne d'AstronoGeek. C'est un projet de fusée habitable qui a été abandonné par l'Agence spatiale française parce que coûte trop cher. Et comme maintenant. C'était quoi l'idée? C'est qu'on envoie des gens en vacances habiter là-dedans? En vacances, mais que ça soit plus simple pour les transferts plutôt que une énorme fusée Ariane et qu'il y ait des choses qui puissent être réutilisées et repartir et faire un module plus fonctionnel que les fusées que on a maintenant. D'accord. Si je me rappelle bien, c'était un peu à l'image ou sur le principe de la navette spatiale, c'est ça? Hermès. De la navette, c'était une navette spatiale plus cosy en fait. Ouais. Oui, c'est ça, plus réutilisable, plus maniable, enfin meilleur quoi. Sauf que ça a coûté trop cher et ça a été abandonné. Et donc il a imaginé qu'il empruntait la Hermès et qu'il faisait ses propres voyages. Et c'est très très bien fait, franchement. Astronogeek, Florence Porcel, les chaînes Twitch de tout comprendre, ou Arte, ou la NASA directement. Et évidemment, il y a une foultitude de livres qui se passent dans l'espace, parce que l'espace, c'est un univers que les auteurs et autrices de science-fiction apprécient particulièrement. Bah oui, en fait, on connaît pas tout et loin de là en ce qui concerne l'espace. C'est beaucoup plus facile de faire de la science-fiction qui se passe dans l'espace, parce que notre imagination est là, quoi, en fait. On peut tout s'imaginer. Plus facile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un terreau fertile à plein d'univers et plein de styles de science-fiction et les très très bons top opéras, qui sont donc les soap opéras spatiaux, où c'est du drama dans l'espace et c'est un Dallas de l'espace, quoi. C'est un quoi? Un Dallas de l'espace. C'est plus, ouais, un Dallas ou c'est plus un Game of Thrones de l'espace, genre avec des congrégations intergalactiques et c'est un peu plus qualitatif quand même Game of Thrones que Dallas. Clairement. Après, il y a des soaps qui sont très mauvais, hein. Ouais. Évidemment, on pense, enfin, rien à voir. Cette phrase n'a aucun lien. On pense aux films qui se tournent dans l'espace, enfin qui prennent place dans l'espace. Mmh. On pense à l'excellent Cinquième Élément, oui, qui est absolument incroyable, de Luc Besson. Ouais. Et oui, bon, des films dans l'espace, le Cinquième Élément. Enfin, il y en a, Star Wars, évidemment, bien sûr, évidemment de bien sûr. Mais oui, l'espace, terreau extrêmement fertile pour l'imagination des auteurs et des autrices. Et si cela vous intéresse, il y a pas mal de livres en ce qu'on appelle en hard SF, c'est-à-dire très calés mathématiquement et factuellement sur ce qu'il y a dans l'espace. Donc c'est quasiment des livres réservés à une niche où il faut comprendre ce que tu lis, parce que c'est extrêmement calé. Genre, c'est vraiment des physiciens, des astrophysiciens ou des gens. Ouais, c'est pas du tout expliqué, c'est pas vulgarisé. Ah, c'est pas vulgarisé, c'est expliqué, mais avec les vrais termes. Donc, c'est pas vulgarisé du tout. Mais pour la vulgarisation, il y a Marion Montaigne, avec son extraordinaire série Tu mourras moins bête et sa magnifique BD Dans la combi de Thomas Pesquet aux éditions d'Argo. Voilà. C'est tout pour les bouquins. Eh bien, par contre, tu parlais de films. Aussi. T'as oublié d'en citer un, mais Daniel va se prêter à jeu dans un instant, c'est Armageddon. Tout exact. Voilà. Exact. Bon, il y avait aussi Star Trek, éventuellement, aussi. Bien sûr, E.T. Oui, bah, alors après, E.T., on voit pas l'espace, on voit l'extraterrestre sur Terre et son acclimatation. Et le fait qu'on sait aujourd'hui que les extraterrestres ont aussi le téléphone, ça c'est une bonne information. mais oui, il y a plein de films, dont Armageddon, dont tu vas nous parler dans un instant, Daniel. Avant, on a Jorm avec Different Tomorrow pour la musique sur Indestar. On rappelle que, bien évidemment, l'entièreté de la playlist d'Indestar sont quasiment des exclusivités, hein, puisque vous avez des originales, des reprises et puis des bootlegs qui ne passent pas sur les autres radios. Donc vous avez bien fait de choisir cette radio ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Jorm, Different Tomorrow dans cette émission à la maison sur Indestar, et Armageddon qui arrive avec Daniel. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, bienvenue sur Indestar et bonsoir tout le monde. Si vous venez de débarquer, c'est Indestar, c'est l'émission à la maison. C'est jusqu'à minimum 23h et ce soir, la tête dans les étoiles, puisque l'on parle de tout ce qui est hors de notre planète. On parle de la Lune, mais on va encore bien plus loin. On a pas mal parlé de Mars parce que ça fait l'actu. À l'instant, Audrey nous donnait quelques références, alors vidéoludiques ou littéraires, de ce qui pouvait se passer. J'ai oublié une extrêmement importante. Et comme par hasard, si vous voulez passer une excellente soirée, oui. Si vous savez pas quoi faire pendant vos heures de télétravail, évidemment, regardez H2G2. Le guide du voyageur galactique, ou en livre, hein, si vous préférez, sont des livres à la base qui ont été traduits en film. Alors sans spoiler, quel est le synopsis de cette histoire ? Sans spoiler, il va arriver quelque chose sur Terre qui un message devait nous être transmis par les dauphins. Et évidemment, nous n'avons pas compris puisque nous sommes idiots. Ouais, bah... Et ils vont s'en aller. Merci pour le poisson. Cette chanson est absolument incroyable. Au revoir et merci pour le poisson. Et après, il va se passer un tas de choses. Mais ce que vous devez retenir, c'est de ne jamais oublier votre serviette et que la réponse est 42. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, alors si vous avez compris quelque chose, c'est que vous êtes très doué. Mais alors, ça donne envie de regarder le film. Ouais. Ou alors on connaît le livre et l'histoire. Hein. Ouais. Un autre film qui se passe dans l'espace, c'est Armageddon. Alors là, on est sur une ambiance un peu plus pampan là. Hein. C'est un peu plus dramatique. C'est quoi ça ? Ouais. Pampan dans le sens il y a de la bagarre. Oh là là là là là là. C'est marrant parce que dramatique. Tu dis pampan pour faire la bagarre quoi. Sans déconner, c'est pas de la bagarre Armageddon, c'est pire que ça. Aussi, il y a des enfants de 3 ans. Voilà, j'ai travaillé dans une école maternelle. Ah non, c'est faux. Dis-leur de regarder Bambi alors. Pampan, c'est une bonne référence à Bambi, tu vois. Oui, bah exactement, voilà, et Bambi, film pour enfants, enfin un film d'animation. Armageddon un peu moins. Alors Armageddon, quand même, pour planter un peu le décor, il y a une histoire d'astéroïde. Alors, pour bien situer ce qu'est un astéroïde, beaucoup de gens les confondent quand même avec un petit peu avec les comètes quand même. Alors, les comètes ont une orbite elliptique assez aplatie qui... comme les planètes tournent autour du Soleil, alors que les astéroïdes se confondent un petit peu, je vais dire, dans les orbites avec les planètes. Ce qui fait que les comètes, les astéroïdes, les planètes, tout le monde peut se rencontrer. Et les étoiles, par exemple, on voit aussi bien des astéroïdes que des... Non ? Alors, non, les étoiles, pour voir les étoiles, donc il faut absolument... Alors, je vais essayer de vulgariser ça au mieux. Quelque chose qui crée une source lumineuse. Ah bah oui, c'est-à-dire... ça se reflète dedans pour qu'on puisse les voir. Voilà, comme la Lune, par exemple, donc qui n'est pas une source lumineuse, mais qui reflète la lumière du Soleil. Bien sûr. Et donc, d'où les quartiers par rapport à la position de la Terre, et ce qui explique les quartiers de Lune, la Terre masquant une partie de la lumière du Soleil. Ah, ce qui n'est pas le cas pour les clémentines, hein. Par rapport au quartier de Clémentine. J'avais coupé son micro. Alors là, je me suis fait plaquer. Tenter carrément. Oui, alors. Comment on prend ? Première chose, on aurait pu mettre le citron. Alors, citron, j'aurais peut-être compris, mais alors là, Clémentine, non, pas du tout. Je me suis dit. Je sais pas, c'est la Clémentine qui m'est venue. Voilà, je me suis dit peut-être qu'il parle de sa cousine. Non, pas du tout. Non. Alors, les astéroïdes, ce sont eux qui deviennent des météores ou des météorites quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, par exemple. Mm-hmm. La différence, le météore n'arrive pas au sol, que le météorite. Attends, j'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. La météorite sur la Terre. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, la météorite, elle s'explose sur la Terre. On a tous peur qu'une météorite arrive sur Terre et nous détruise. Voilà, comme la dernière connue, je crois que c'est en Sibérie il y a quelques années. Ouais. Il y en a une, je crois, au Mexique, il y a eu un ou deux siècles, je crois. Et il y a la célèbre. Il y avait un film, alors j'ai plus le nom malheureusement, mais il y avait un film qui m'a assez marqué, un film des années 90, où c'est l'histoire. Alors il y en a plein des films sur la fin du monde et avec une météorite qui s'écrase sur la planète Terre, mais là c'était l'histoire. Alors il y avait un scientifique qui découvrait justement qu'une météorite allait se scratcher, et on suit pas mal les aventures d'une journaliste avec son père notamment, et à la fin ils font des abris anti-atomiques pour protéger certaines personnes qui sont tirées au sort. Et la journaliste reste avec son père, avec la météorite qui s'explose sur Terre et qui signe l'extinction de l'espèce humaine, à part pour ceux qui sont dans les blocos. Quoi. Oui, j'ai vu quelque chose comme ça. J'ai plus le titre en tête. Ouais, assez bon film à bien réaliser, hein, mais qui date d'il y a une bonne. T'es ouais, sûr 20, que c'est pas 20, un nanar 25 ans, quoi, à peu près. Pardon, Teddy ? T'es sûr que c'est pas un nanar ? Ah non, du tout, non, c'est plutôt un bon film. Ça sent le scénario, tu sais, sur. Ça fait un. Enfin, c'est sorti au cinéma, gros film à budget américain, mais qui au final a un truc plat sans âme. Non, bah honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, ce film, et j'ai plutôt des bons souvenirs. Après, c'est dans la même veine que 2012 ou d'autres films ou du genre. Sharknado. Voilà. Où... Ouais, mais c'est un peu des nanars, ça. 2012. Ah bah après, ça dépend ce que t'appelles des nanars, mais non, le scénario est plutôt bien fait et le... Oh, c'est vite. Non, dame. L'histoire se tient. Hein. Ma foi, pourquoi pas. Tu sais, Armageddon, pour je veux dire, les puristes du cinéma, c'est un nanar. Pour les puristes du cinéma, je veux dire, ouais. Pour ceux qui aiment le cinéma d'auteur, Armageddon, c'est pas un bon film. Par contre, en tant que film d'action, voilà, en tant que film d'action, c'est vrai que on en prend plein la vue avec ce film. Et si j'ai choisi d'en parler, c'est justement parce qu'on parle des astéroïdes qui sont quand même une menace potentielle pour l'humanité et qui viennent de l'espace et qui peuvent faire d'ailleurs au niveau des volumes de quelques mètres de diamètre à plusieurs, je veux dire, ça peut aller jusqu'à la taille de Pluton à peu près. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est que techniquement, c'est possible que le scénario du film dont je viens de parler et d'autres films, du genre qu'il y ait une grosse météorite qui s'explose sur la Terre et qui cause l'extinction de l'espèce humaine, ça pourrait arriver. Largement. Techniquement, oui. Oui, techniquement, oui. Mais après, d'accord. On a des moyens, on a pensé à des moyens de se défendre, de dévier. Alors, des justement, astéroïdes. C'est un peu pour ça que c'est intéressant, Armageddon. Et je vous donnerai une ou deux anecdotes de la suite du film, enfin de la suite, de choses qui ont suivi par rapport à ce film derrière. Mmh. Voilà. Donc, alors, Armageddon, c'est un film américain de 1998. Réalisé par Michael Bay, qui met en scène un pro du film d'action avec Bruce Willis. Il est accompagné, entre autres, de Liv Tyler, Ben Affleck et Owen Wilson. Ouais, un beau palmarès. Ce film nous conte le désastre annoncé d'une collision, celle d'un astéroïde énorme, de la taille du Texas. Alors évidemment, film américain, référence américaine oblige. Hein. Bien sûr, c'est les Américains qui sauvent le monde. Ça pouvait pas être la taille de l'Autriche, quoi. Ouais, non. Non, même si c'était... Non, ça pouvait pas, voilà. Donc, la collision de cet astéroïde avec la Terre. Alors, le film commence avec la navette Atlantis, qui est détruite par une pluie de météorites. Là encore, une entorse à la réalité, parce que Atlantis en vrai n'a jamais été détruite. Hein. Les deux malheureusement qui ont explosé, ce sont Challenger et Columbia. Donc voilà, ils se sont dit Challenger a explosé, alors peut-être que Atlantis, mais non, ils se sont trompés, c'est Columbia qui a cassé plus tard. Et à partir de ce moment-là où en fait ils se sont dit que ça allait arriver sur Terre. Oui, alors grâce à cette pluie de météorites, la NASA découvre. Qu'un énorme astéroïde se dirige tout droit sur la Terre. C'est extraordinaire. Je rebondis là-dessus, pardon Daniel, mais parce que c'est en fait j'ai l'impression que c'est le synopsis de tous les films du genre, c'est-à-dire qu'en fait ça arrive. Bon, alors vous allez me dire si ça arrivait à l'impromptu, il y aurait pas de film, mais il y a toujours cette découverte bien en amont. Du fait qu'il va arriver quelque chose parce qu'il y a un événement qui fait qu'on découvre que ça va arriver par la suite. Est-ce que ça pourrait se passer comme ça, et est-ce que ça se passera comme ça s'il arrivait un tel événement, ou est-ce qu'on pourrait être beaucoup plus surpris et se dire ouais, en fait dans une semaine on est mort, quoi? Non, en théorie il y a peu de chances que ça... Enfin, pardon Daniel, pour moi... Oui, je t'en prie. Non, mais vas-y. Il y a pas que moi. Il y a très peu de chances parce que on est doué en fait en calcul. Donc clairement, avec les calculs précis qu'on a, tous les instruments qu'on a pour calculer les trajectoires, il y a aucune chance qu'on soit surprendre. On le verra arriver et de loin. Après, non, on n'est pas à l'abri surtout d'un. Surtout maintenant, on a les moyens d'observer. Ouais. Sans ça, donc évidemment, on pourrait pas savoir. On sera en amont. Ouais. Mais on n'est pas. Maintenant, alors à l'époque du film. Les moyens d'observation n'étaient pas aussi développés, alors on pouvait éventuellement rater un astéroïde, ça c'était éventuellement possible. Maintenant, un énorme qui arrive d'après le scénario du film dans exactement 18 jours. Non. Bon, non, je pense pas, 18 jours, ça me paraît court. Tu le vois arriver même de loin. À cette époque-là. Donc 18 jours, ouais. c'est en même temps c'est très court, c'est-à-dire que c'est quand même un peu du jour au lendemain. 18 jours, tu peux pas prévoir vraiment ce que tu vas faire par la suite, te protéger, etc. quoi. Si, envoyer des missiles, pardon. Oui, Oui. Actuellement, pour se protéger, clairement. C'est souvent le cas. Non, mais... les gens technologiques pour se protéger. Ouais. Justement, le film Armageddon va nous amener la solution. Ah, chouette. La magie. Parce que le directeur de la NASA, c'est pas un andouille quand même, directeur de la NASA. Ah, il fait tout péter. Il a retenu une solution simple et efficace. Faire exploser l'astéroïde avec une charge nucléaire que l'on aura introduit au cœur du dit astéroïde. La base. Incroyable. C'est cool parce qu'on fait exploser l'astéroïde mais on contamine tout le monde. Ouais. Voilà. Mais ça, on s'en branle. Il y a juste une petite difficulté à ce projet. C'est de trouver l'équipe de fêlé qui ira faire le job. Ah, parce que t'envoies des humains en plus ? Bah, il faut le mettre au milieu. Ah oui. On fait pas d'omelette sans casser des œufs en même temps. On peut envoyer un rover sur Mars depuis 97, mais il faut envoyer un humain sur un astéroïde. Oui, parce que là, on n'a pas le temps de construire le robot, c'est pour ça. Bah, ouais, 18 jours, dit... vrai. Hein. Oui. Alors, 18 jours. Donc, alors, 18 jours, le directeur de la NASA, il s'est posé une question. Il s'est dit, 18 jours, c'est un peu court pour former des astronautes au forage. Bah, surtout qu'il avait ses congés à prendre, donc ça ne l'arrangeait pas. Oui, donc forcément, ça a posé un petit problème. Donc, alors, il a eu une idée. Il s'est dit, des spécialistes du forage, il y en a, je vais aller en chercher. Parce que... Bon, là, il y avait aussi un petit problème, c'était de former les spécialistes du fromage. Du fromage. Ah ouais. On a envoyé les fromagers sur l'astéroïde parce que, en fait, faut savoir que l'astéroïde est comme le gruyère, en fait, il y a plein de trous. Donc, il faut être expert fromager pour trouver son chemin. C'est logique. Astéroïde. Exactement. C'est peut-être pour ça qu'il fallait du fromage avec le gruyère, avec les trous. C'était peut-être pour ça, oui. C'est donc, sûr. Alors, voilà, former les spécialistes du fromage au vol spatial. Alors là aussi, oui, 18 jours, c'est un peu court, mais le directeur de la NASA, je pense qu'il s'est dit, c'est plus facile de trouver des foreurs qui veulent devenir astronautes que le contraire. Astronautes qui veulent devenir foreurs, c'est peut-être pas leur rêve. Ouais, mais devenir astronaute, enfin, quand on voit les compétences et puis surtout la préparation physique qu'il faut pour devenir astronaute, c'est quand même énorme. Tu deviens pas astronaute comme ça en vrai en 18 jours. Hein. Ah non, c'est pas possible. Alors surtout, en vérité, hein. Au moins, c'est un peu d'astronaute, oui. Alors, en plus, c'est même pas 18 jours, parce qu'il faut aller chercher les gus qui sont sur leur plateforme pétrolière, faut réunir l'équipe, donc même pas 18 jours, c'est une performance. Ouais. En une heure et demie de film, c'est fait. 2 heures, je crois, de mémoire, le film. Ah, hein. Attention. Ouais, quand même. On allait les chercher sur une plateforme offshore, tout ça. Oui, mais en plus, oui, ils sont sur une plateforme offshore, hein, comme par hasard à ce moment-là. Mm-hmm. Oui, c'est exactement ça. Mm-hmm. Alors donc, les 18 jours sont passés, on a collé les foreurs astronautes ou les astronautes foreurs, c'est comme vous voulez, dans la fusée. La fusée décolle et évidemment, c'est un peu à l'image, on parlait de robots tout à l'heure, du robot Philae là sur la comète Curie. Bah, tout se passe pas au mieux. Hein. Il faut des rebondissements quand même, évidemment. 2 heures de film. Hein. Mais tout le monde n'est pas mort au décollage non plus, parce que sinon il aurait pas duré 2 heures. Ah non, au décollage, il n'y a pas de mort. Hein. Ouais. Au décollage. Quand ils arrivent par contre sur l'astéroïde, alors là, évidemment, les ennuis commencent. Ça fait une catastrophe. Il n'y a pas que sur la Terre qu'il se passe des catastrophes. Donc, alors, je vais passer un peu les détails. Donc, ils sont 2 équipes. Ils ont quand même prévu ça, 2 équipes. Pourquoi il y en a une qui n'arrive pas ? Effectivement, il y en a une qui a un peu de mal à arriver, qui a des problèmes. Il n'y en a qu'une qui arrive sur place. Alors, il faut. Tu es monté dans le Challenger. Alors, t'imagines, il faut. Le film dure 2 heures. Alors, il faut. Enfin, vous avez compris, quoi. Il faut. Voilà. J'arrête, je vais vous casser les oreilles avec mon forage autrement. C'est comme les chaleurs qui pompent. Exactement. Alors, il se passe plein de choses, il y a plein d'avaries, il y a plein de problèmes au moment du forage, mais Bruce Willis étant là, ça sauve le forage. Ça sauve tout le monde. Ils arrivent à la profondeur désirée, ils déposent la charge nucléaire, ils remontent vite fait dans leur engin spatial, ils vont pour décoller, et là... Et là, ça ne veut pas décoller, et plus d'essence. Ils avaient oublié de faire le plein. Non, c'est même pas ça. Ah. C'est encore plus bête. Ils ont oublié la charge. Ils sont quand même pas bêtes. Non, la charge, ils sont tout. Ah. Et ils avaient même prévu de déclencher la charge à distance à partir du moment où ils seraient suffisamment loin de l'astéroïde. C'est la forêt qui a la fusée qui a une panne de démarreur, il y a un truc. Ils ont perdu le plan. Non, il y a juste un problème. Vous imaginez toute la technologie qui a été mise en œuvre là quand même, c'est quand même extraordinaire. Fusée, forage sur l'astéroïde, et là, la télécommande qui doit servir à la commande ne fonctionne pas. Ils ont oublié les piles dans la télécommande. Bibop. Ils n'en ont pas pris une de rechange. Non, ils n'ont pas de rechange. Ah, les nuls. Bah, ils avaient deux engins pour. Oui, ils avaient deux engins pour forêt, mais une télécommande. Bon, un peu, peut-être que le c'est budget. Un peu léger. Non, mais c'est le mec qui a pondu le scénario. Ouais, les gars, faut qu'on s'arrête à un moment donné. Hein. Qu'est-ce que t'as panne de télécommande, c'est bon, ça marche. Il n'y avait plus de papier pour écrire le scénario. Et ça. Donc, la seule solution qui reste, c'est l'activer manuellement. Les astronautes Forer restent sur l'astéroïde pour déclencher la charge. Ah, bah, Pierre feuille ciseau. Hein. Voilà. Ils sont pas ciseaux, ils travaillent pour la patrie. Bah oui, mais c'est ça. Et de toute façon, oui, tu sauves la planète quand même. Donc mort pour la planète. Oui. En même temps, il y a Bruce Willis, hein, forcément. Bah moi, j'ai une petite question. Ah. C'est tout con et c'est un peu hors sujet, non pas vraiment. Tu le ferais, toi, pour la planète? Moi, personnellement? Ouais, je comptais faire toute l'équipe. D'accord. Audrey? Alors, je vais peut-être... Rien, donc... T'as dit quoi? Je vais peut-être te faire une reste... J'ai oui, pas. Audrey, vas-y. Hein non, mais moi, je peux pas survivre à une navette spatiale, donc... Oui, imaginons. Déjà, elle ne part pas. Bah non, parce que moi, je pars pas non plus, en vrai. Oui, non, mais imaginons que tu pars et que, justement, on te demande de te sacrifier. Bah oui, de toute façon, si t'es censé crever dans 18 jours, faut mieux aller faire un truc un peu sympa. Hein. D'accord. C'est un peu ce que j'allais dire. Moi, à l'âge de 20 ans, j'aurais dit... Il y en a peut-être d'autres qui vont passer, mais là, peut-être que je me dévouerai, peut-être. Ah ouais, d'accord. Peut-être. Okay. Alors donc, bon, il y a ce problème-là. Donc... Ah, le choix ah oui, est cornélien. T'es dit, on n'a pas la réponse. Le choix est cornélien quand même, je sais pas. Entre sauver ta vie ou sauver la planète. Ouais, bah mais autant les. Si tu sauves pas la planète, si tu sauves pas ta vie non plus. Hein. Bah ouais, et puis j'ai pas envie de tuer toute la planète, il y a juste les humains, tu vois ça. Ouais, tu laisses les chats. Ouais, les chats, bah ouais, c'est voilà. C'est le prix sélectif. Exactement. Tu fais pour ton chat. Ah ouais. Vous voulez un très bon film comme ça. Enfin, c'est une série de mini courts-métrages. Ça s'appelle Love, Death and Robots. Ouais. Love, Death and Robots. J'adore. Et c'est trop bien. Et il y a un moment où la planète, c'est des robots qui font de la visite spatiale. Et ils arrivent sur la Terre et il n'y a plus d'humains. Parce que les chats ont un pouce opposable. Et ça, c'est formidable. Ils ont appris à ouvrir. Ils ont un pouce opposable. Comme ça, ils peuvent ouvrir leur propre boîte. Du coup, ils viennent mettre du monde. Ils ont plus besoin des humains. Et les humains, ils sont finis. C'est vraiment trop bien. Ok. Love, Death and Robots. Donc, je vais reprendre un petit peu le cours final de l'histoire. Donc, la question, est-ce que quelqu'un va rester? Est-ce que la charge du nucléaire va exploser? Bien sûr. Alors ça, je vous le dis pas. Il faudra regarder le film. Oh là là, mais de toute manière, elle va forcément exploser. Théoriquement, elle va forcément exploser. Soit c'est quelqu'un qui l'active et elle explose et il sauve tout le monde. Soit elle s'active quand l'astéroïde explose et arrive sur Terre et boum, double chaos. C'est... Ah ouais, voilà. C'est ça. Non seulement ça explose sur la Terre, mais en plus ça part à ce moment-là. T'aurais été vraiment con de pas le faire là. Donc, je sais pas si vous savez, mais ou si vous avez saisi, mais ce film a quand même une moralité. Faut se sacrifier pour les autres. Ouais, c'est... Non. À l'époque où on parle de forage pétrolier, qu'on veut plus de pétrole, ce qui est logique, hein, plus d'énergie fossile avec les problèmes de réchauffement climatique. Hein. Il faut quand même pas perdre le savoir-faire en matière de forage pétrolier. Cela pourra nous servir un jour. Ah, c'est ça la conclusion de tout ça. Donc continuons à puiser du pétrole. Parce qu'ils s'intéressaient au réchauffement climatique à l'époque. Au moins faire semblant. Voilà. Alors, je vous disais, il y avait quand même des petites anecdotes par rapport à ce film. La première, à l'époque, la NASA a autorisé pour la première fois l'équipe du film a tourné des images réelles d'un décollage, donc selon les plans et les angles qu'ils souhaitaient. Mm-hmm. Mais cerise sur le gâteau, si on peut, grosse cerise même, là c'est carrément le cerisier. Lorsque l'on voit les foreurs astronautes, parce que je pense qu'on peut pas les appeler autrement, arriver donc sur le tarmac pour aller rejoindre la fusée, ils ont de vraies combinaisons d'astronautes qui ont été prêtées par la NASA. Ah, avec de la vraie sueur. Avec de la vraie sueur d'astronautes dedans. Trop cool. Ah ça, on me l'a pas dit ça, mais ça c'est possible. Ça doit pas être génial pour le jeu d'acteur. Et je pense, oui, pour les acteurs, ça a dû être un moment extraordinaire, ça, je pense. Extraordinaire ou pas génial ? Parce que pour jouer avec une vraie combi, ouais, ça doit pas être... Après, tu fais bien pire aussi. Ouais, hein, mais c'est genre, il y a quelques minutes de film qui portent cette combi. Je pense aux acteurs, ok ? Hein ? J'ai été acteur aussi, non, c'est bien, j'ai souffert, c'est bien, oui, d'accord ? Voilà. On m'a déguisé en fille, alors en astronaute, j'aurais préféré, tu vois. Mais... alors, depuis ce film... Il faut savoir que la NASA projette le film à ses étudiants. Ah, nice. Ah, c'est si scientifique que ça ? Alors, en vérité... Non, mais c'est un bon bourrage de crâne. Pas vraiment parce que c'est scientifique. C'est parce que c'est y a tellement d'erreurs dedans qui demandent aux étudiants de les détecter dans le film. Le petit guide de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, pour la petite histoire, à ce jour, ils ont détecté 168 erreurs dans le film. Ah ouais, pas mal. Nice. Donc, Armageddon fait partie des champions dans le domaine. Ouais, donc c'est un bon film de divertissement à blockbuster, mais c'est pas du tout fidèle à ce qui peut se passer dans le milieu spatial, quoi. C'est horrible, scientifique. Voilà, il faut vraiment le regarder côté divertissement. Ouais, bien sûr. Sinon, si on le fait côté scientifique, c'est vrai qu'on passe 5 minutes et... Non, et en même temps, si c'était hyper scientifique et hyper fidèle, ça serait hyper chiant. Donc c'est pour ça que tous ces films-là, quel que soit le domaine, c'est... Voilà, non mais c'est vrai, tous ces films-là, ils font des fois exprès de faire mal les choses pour rendre le film plus attrayant. Plus sympa. Ouais, absolument. Plus attrayant. C'est comme les films de guerre. Quand on voit par exemple les soldats faire des roulades, en vrai, un soldat ne fera jamais ça, par exemple. Bah non, ça sert à rien. Si, roulade tactique. T'en fais une dans ta vie, quoi. Ouais. Ouais. Et quand tu fais ça au milieu de la pièce, ça sert à rien. Si, si, pour le style. Absolument. Ouais. Si, oui, ça fait joli, oui, ça c'est. Surtout si t'as le reporter de guerre qui est là, qui te filme. Oui, à la limite. Ah bah là, t'en fais deux. Ouais. Bien sûr. Tu sors deux pistolets pour faire des akimbo, chose qui est très chiant à viser. Puis voilà, tu tires dans le tas. Tu sais pas pourquoi, mais ça fait classe. Forcément. Et la claque ralentit. Mais oui, c'est les joies du cinéma. C'est beau. C'est artistique. Alors, j'ai une dernière petite anecdote qui n'est pas directement, enfin, qu'avec le film et la NASA. Il faut savoir qu'il y a une partie du tournage qui a eu lieu dans le Dakota du Sud. Mmh. Que faire de cette Pourquoi info je vous parle de ça? Ah oui, il y a une suite, ok. Pourquoi je vous en parle? Il y a une suite. Mmh. C'est dans cet état qu'ont été sculptés dans un flanc de montagne, les fameux monts Rushmore dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà, c'est juste, j'avais envie de me faire plaisir et de vous le dire. Ah, c'était juste ça. Ah merde. Ouais. Voilà. Et tu as parlé du Dakota du Sud, mais sur les autres moments du film, ça a été quels sont les lieux de tournage? Il y a eu donc Cap Canaveral surtout. Il y a pas eu au Texas? Si si, à Houston, justement au Texas, t'as eu? Je m'en doutais. Là, je les ai pas tous notés de mémoire, donc il y a eu cela. Bon, j'ai relevé Houston, c'est Dakota, là où il y a les problèmes en principe. Hein. Bah là où il y a la NASA aussi, peut-être. Là où il y a la NASA. Houston, ici la Lune. Ouais, un problème. On peut pas vous faire rentrer. Restez là-bas. Voilà. Allô, Houston, ici l'astéroïde. On a plus de... Il fait tout noir tout d'un coup, c'est bizarre. On a plus de piles dans la télécommande. Ah, oh, vous envoie quelqu'un, vous inquiétez pas. Il vous manque quoi? C'est des A. Un vendeur bricomarché. C'est des AA ou des triple A? C'est quoi? Oui, c'est ça. Tu sais, le mec qui arrive. Bonjour, je vois. Ah, bah non, c'était des AAA qu'il me fallait. Je te jure. Hey, bon, en tout cas, on a envie de regarder Armageddon pour ceux qui ne l'ont pas vu, un film sorti en 1998. On vous a spoilé pas mal, mais on n'a pas la fin. Donc, ça vaut le coup d'aller le voir. Et je ne l'ai pas vu non plus. Qui l'a vu dans l'équipe, Teddy ? Ouais, je pense pas. Ou alors, je l'ai dû le voir en rediff à la télé. Ouais, moi, je pense que j'en ai vu une partie, mais seulement la partie où ils sont sur la planète, parce que ça me dit quelque chose. Mais le reste du film, non, je ne pense pas. Audrey ? Ah oui, moi, je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais. C'était pas remarquable. D'accord, ça t'a pas marqué. Non, mais d'un point de vue puriste cinéma, c'est vrai que... Oui, bah non, après, il y a... Non, mais bon, j'ai un peu de mal avec ça, parce que... C'est de l'entertainment, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, exactement. Ça m'a pas marqué. Parce que tout ce qui est pop culture... Je préfère regarder H2G2. Oui. Comme dans tout ce qui est pop culture, il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose, enfin, dans différents domaines, il y a... Mais dans les blockbusters, il y a des bons et des mauvais. Mais je veux dire, après, de dire que tel style de cinéma est meilleur que d'autres, après, c'est vraiment les goûts personnels qui parlent, et comme voilà. Dans tout le reste de la pop culture. Ouais, non, mais là, personnellement, moi, je l'ai regardé pour le côté action, ouais. Et j'ai vraiment été satisfait de ce côté-là. J'ai vraiment pris plaisir. Vraiment, de l'action, il y en a. C'est pour ça que j'avais regardé le film. Hein. D'accord. Ok, très bien. Voilà. On va terminer par le quiz dans un instant. Alors vous pouvez vous préparer, hein, à jouer comme d'habitude. La famille se prépare pour savoir qui sera le vainqueur du soir, qui aura le trophée. Et dans l'équipe Indestar, eh bien Audrey affrontera Daniel, qui affrontera Teddy. Et tout le monde va s'affronter, un petit trio. Mais l'avantage, c'est que vous serez forcément sur le podium. Avant ça, on a Amerigo Gazaway avec Inner City Traveling Man, maintenant sur Indestar, dans cette émission à la maison du vendredi soir. Ah, on a même pas de jingle, alors comme ça. Alors là, non. Ah, bah, t'es dit. Non, c'est mais attendez. Je m'explique. Alors, évidemment, normalement, sur Indestar, après chaque musique, vous avez un petit jingle qui vous dit où vous êtes. Mais là, oui. C'est particulier. Parce que. D'accord. C'est le quiz. Parce non, que... non, c'est parce que j'ai oublié, en fait. Je suis. Voilà. Attends, je vais essayer de se dépatouiller comme attends, il veut. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais vous le faire. Je vais faire le jingle. Vous êtes sur Indestar. Ah, c'est tout. L'émission de maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Et oui, c'est là où tout commence et là où tout finit également, parce que c'est la dernière ligne droite de cette émission, avec le quiz. Ça, c'est une tradition maintenant. Donc, le principe du quiz est simple. J'ai 7 questions. Il y a une équipe qui va jouer avec moi, et vous allez jouer aussi avec moi de l'autre côté de la radio. Donc, 3 candidats ce soir pour l'équipe Indestar, Audrey, Daniel et Teddy. Ouais. À chaque fois, donc, 7 questions avec, pour chaque question, 3 possibilités de réponse. Mais évidemment, une seule est la bonne. Il faudra trouver un maximum de bonnes réponses pour arriver sur le podium. Est-ce que c'est clair ? Oui. Allez, vas-y, balance cette question. D'accord, ok. Bon, le thème de la soirée, bien sûr, c'est l'astronomie et la pop culture. Donc, le thème de ce quiz sera l'astronomie et la pop culture. Attention, première question, concentration. Dans Star Wars, on n'en a pas encore vraiment parlé ce soir. Pourquoi certains Jedi utilisent un sabre laser vert ? Est-ce parce que ce sont des flippettes ? Ils préfèrent la négoce à la force ? Ou bien parce qu'ils ont un esprit de justice et de protection, ou bien parce qu'ils écoutent Indestar. Et vous savez que le vert est la couleur d'Indestar. Mmh. Ah, c'est chaud. Ça doit être ça. C'est chaud, c'est pas incompatible. Alors, bah, je demandais, tiens, Audrey, ça serait Indestar hein, pour toi. Hein. Oui, bah, évidemment, dans tes anecdotes, dans tes propositions les plus loufoques, je prendrais Force Épée. Alors, Force Épée... C'est pas le deuxième ? Tu nous as dit quoi ? Un esprit de justice et de protection. Voilà. Mm-hmm. Esprit de justice et de protection pour Audrey. Teddy, tu comptes les points, en fait ? Bien sûr. D'accord. Ah, attends, refais-moi la liste. Alors, la première proposition, parce que ce sont des flippettes, ils préfèrent la négociation à la force. La deuxième, parce qu'ils ont un esprit de justice et de protection. Ah oui, mais si, je suis resté à parce qu'ils sont des flippettes, mais non, ils préfèrent la négo. Ils utilisent le sable que quand c'est nécessaire. D'accord. Teddy. Comment dire ça ? C'est pas totalement vrai. Enfin, c'est pas totalement faux ce qu'elle a dit, Audrey. Mais en théorie, le vert, c'est plus la sagesse et tout ça. Enfin, ouais, mais justice et protection, c'est le bleu. Ouais, non, mais clairement, c'est vraiment ça. Mais justement, les réponses, je dirais rien. Vert, c'est censé être sagesse, en fait. C'est pas être flippette. Ils sont pas des flippettes, les verts. Non, c'est pas des flippettes. C'est quoi cette... C'est que Théo, il a jamais vu Star Wars, c'est pour ça. Ce racisme anti-vert, là, c'est quoi? Non, mais c'est possible. Théo, il a jamais vu Star Wars, donc il a pas tout compris. Ah bon, ouais. Mais bon, on va dire la une, même si c'est bof. C'est tiré par les cheveux. D'accord. Bon, Daniel. Alors, moi, le cœur me pousserait à dire parce qu'ils écoutent Indestar, mais je crois que la galaxie est trop lointaine, donc ils reçoivent pas. Aïe. Et comme j'ai pas envie de faire comme tout le monde, je vais dire la 2. Parce qu'ils ont un esprit de justice et de protection. Eh bien, malheureusement, c'était pas la bonne réponse. C'était parce qu'ils préfèrent la négociation à la force. Donc oui, j'ai dit que c'était des flippettes parce qu'ils se battaient pas. Oui, on va négocier. C'est vrai que Théo, il est réputé pour faire la bagarre. Ah bah tout à fait, c'est tout moi. J'ai pas dit que j'étais pas une flippette, hein. Attention. Mais je suis déçu. Je suis déçu de Daniel quand même. Ah bah non, mais oui, on va se rattraper avec la deuxième question. On sait qu'il y a pas Jolan, mais t'es pas obligé de faire une Jolan, quoi, clairement. Non, mais j'ai dit que je maigrais jamais, j'ai pas envie de gagner. Ouais. Ça, vendredi dernier, j'ai failli me faire avoir. Vendredi dernier, alors je prends les devants là. C'est pas faux. Deuxième question. Quelle radio porte le même nom que l'explosion d'un soleil? Est-ce que c'est Nova, Move ou Vibration? Quelle radio porte le même nom que l'explosion d'un soleil? Nova, Move ou Vibration, Teddy? Elle est drôle ta blague, Nova. Daniel? Ouais, bah là, je vais être obligé de dire Nova quand même, hein. Audrey? Bah ouais, mais Nova, c'est pas un... C'est pas quand une étoile... Oui, c'est quand une étoile explose. Ah, une étoile, c'est quoi? Oui, ça peut être un soleil, je pense. Mm-hmm. Ah, oui. C'est un soleil, oui. Bah, Nova, alors. C'est effectivement Nova. Rien de move ou de vibration fait référence à l'explosion d'un soleil, alors que la supernova... c'est justement l'explosion d'un soleil. C'est oui, l'ensemble mais des c'est... phénomènes qui résultent de l'implosion et pas l'explosion. Tu vas pas nous faire. Non, mais c'est plus, pas l'explosion, hein, c'est l'implosion, c'est que ça se détruit de l'intérieur, genre ça tombe sur soi-même. Et bah, une implosion, mais bref, il y a quand même. J'aimerais bien la différence Audrey, après Armageddon, tu sais, on n'est pas assez près. Hein. Après, hein, clairement. C'est quoi la différence? Il y a des ions dedans. Oui, ça fait des chocs à pic en tous les cas. C'est quoi la différence entre une nova et une supernova? Eh bien, supernova, c'est super. C'est, voilà, non, c'est génial. Je crois que nova tout court n'existe pas. Ouais, non, c'est supernova. Mais c'était pour faire référence à Radio Nova, évidemment. Qu'appelle-t-on l'étoile du berger? Est-ce que c'est. Oui. Des yeux, l'étoile du berger. Qu'appelle-t-on l'étoile du berger? Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Saturne? Ou est-ce que c'est Vega? Frérot de la Vega, pardon. Alors, je pensais pas à ça, mais oui. Audrey? Vénus, la plus brillante de toutes les planètes. Ok. Tu prends l'accent du sud quand tu parles de Vénus, c'est marrant. C'est possible. Daniel? Peut-être que Vénus sent l'huile d'olive et le vélodrome. Je ne sais pas. Moi, je vais dire I'm your Vénus. I'm your fire. Dirty fire. Une chanson des années 80. Des années 60, repris dans les années 80. C'était les Shocking Blue au départ. Ah ouais, d'accord. Des années 80. Allez, tiens, bim. Plus la version des années 80 et la version des années 2000. Pourtant, t'étais né dans les années 50. Je sais pas, j'ai pas dû écouter ça. Teddy. T'avais pas une des stars à l'époque. Vénus, hein, c'est logique. Vénus, effectivement, c'est Vénus. Arrête de dire c'est logique. L'étoile du berger. Mais si, c'est logique. Elle peut être visible dans le ciel du matin, avant le lever du soleil, ou dans le ciel du soir, après le coucher du soleil. Et c'est bien connu que les bergers sont insomniaques, donc ils n'ont pas la télé, donc du coup, ils s'amusent à regarder les étoiles, évidemment. Voilà. C'est très bizarre, cette... Allez, enchaîne. Le jeu Mass Effect, qui est un jeu vidéo qui parle aussi d'espace, hein, qui se déroule en 2148 où l'on découvre une technologie d'origine extraterrestre qui nous permet de voyager facilement dans l'espace. Qu'arrive-t-il à Shepard au début? Est-ce qu'il se voit récompensé pour sa bravoure? Est-ce qu'il meurt lors d'une attaque du Normandie? Ou est-ce qu'il demande sa direction? Ah, ça s'est terminé comme ça? Oh, comme c'est le début du jeu, je vais dire qu'il demande sa direction parce qu'il est complètement paumé, il est planté, il sait pas où il est. Peut-être qu'il a passé une nuit un peu trop arrosée et qu'il est à moitié bourré, j'en sais rien, mais je dirais qu'il demande sa direction. Audrey ? Mais j'en sais rien, moi. Comment tu y as joué, toi, à Mass Effect ? Pas du tout. Ouais, voilà, d'accord. Et non, moi non plus, mais j'ai essayé de faire croire, tu vois. Ouais. Merde, je me rappelle plus des propositions. Au hasard, Amstramgram, Pipi-Golégram, B. Il meurt lors d'une attaque du Normandie. Teddy. J'ai oublié d'écrire ce que Daniel a dit. Il a mis la C, il demande sa direction. D'accord. La A, c'était quoi, du coup ? Il se voit récompensé pour sa bravoure. Récompensé pour sa bravoure. La B, je sais plus, tu l'as dit tout bravoure. À l'heure. Bravoure. Ouais. Oui, et... bravoure. Bon, après, oui, peut-être que Daniel a raison. Ouais, non, mais... Teddy a dit la bravoure, c'est comme sur Mars, il pense qu'il n'y a pas d'eau. C'est la réponse d'Audrey, c'est la B. J'ai joué à... une attaque du Normandie, ouais. D'accord. Eh bien, effectivement, vous avez raison. Parce que mais non, il était bourré. Il demande son chemin, il était bourré. Mais il demande sa direction parce qu'il s'appelle... Il s'appelle Shepard. Shepard où? Voilà, c'est pour ça que je vous ai pondu cette réponse. C'est parce qu'il y avait un jeu de mots, tout simplement. Il a préparé sa blague pendant deux semaines, les gars. Deux semaines. Oui, au moins. Et donc effectivement, il meurt lors d'une attaque du Normandie. Alors le Normandie, c'est ni un fromage ni une vache, hein, c'est un vaisseau spatial. Voilà. Donc notre héros meurt au début. C'est fou. Le vaisseau Normandie sponsorisé par Elevir, hein, quand même. Oui. en parlant de vaisseau, quel fut le premier engin spatial à avoir traversé la ceinture d'astéroïdes ? Est-ce que c'était le Pioneer 80 PRS ? La ceinture d'astéroïdes de qui ? La ceinture d'astéroïdes. De qui ? Oui, laquelle ? Quel engin spatial à avoir traversé ? Je sais pas. Ça m'agace quand tu fais ça, que tu prépares des questions en lisant les deux premières lignes de trucs wiki. Mais non, pas du tout. Alors... J'ai fait des recherches. Alors. La ceinture de... C'est ta mère. Mais je te permets pas, on a dit pas les mamans. Elle était pas là pendant la réunion, c'est pour ça qu'il s'en va. Je vous donne un indice, de toute façon, il y en a eu qui, ça sera un Pioneer, d'accord ? Donc est-ce que c'est le Pioneer 80 PRS, le Pioneer GEX 60 ou le Pioneer 10 ? Putain, mais sans déconner. Ah oui, Pioneer, c'est une marque de tracteur, Pioneer. Un truc de micro ? Ah, je sais pas. Non, c'est une marque de tracteur. Non, tu. Alors, tu souris tu vois, quand tu dis ça, donc ça veut dire que, évidemment. Alors, Audrey, le Pioneer 80 PRS, le Pioneer GEX 60 ou le Pioneer 10 ? Mais j'en sais rien. Ah. 10. Ok. Daniel ? C'était une sonde Pioneer, oui. Allez. Allez, 10, allez. Okay. On va miser 10, ça va être bon. Teddy ? Bah, je fais le tout pour le tout aussi, hein, là c'est. Le 10 aussi ? Ouais. D'accord. Mais effectivement, c'était le 10. Alors, le Pioneer 80 PRS, c'est un autoradio des années 2020. Un autoradio des années 80 et le Pioneer 10, effectivement, c'est la première partie de sa mission. Alors, comme ça, ceinture d'astéroïdes, c'est forcément Jupiter. Ça certainement. Oui, c'est ça. C'est la planète Jupiter. Pardon, j'ai la réponse. Non, mais c'est, oui, c'est celle C'était Jupiter. Oui, je l'ai marqué dans la réponse. Pardon. Donc, en fait, oui, c'est ça. La première partie de sa mission à Pioneer 10, c'était de survoler et photographier la planète Jupiter. Et ce qu'elle a très bien réalisé en 1973 exactement. Voilà. Pour toutes les informations scientifiques. Question suivante. On a parlé de Sheila tout à l'heure parce qu'on l'adore. Et bon, on va en reparler. Qui a composé le titre Spacer de Sheila, sorti en 1979, et qui a remis Sheila sur le devant de la scène en signant son plus grand succès international? Alors, Sheila avec Spacer, ça donnait ça. C'est peut-être le seul en même temps. Mais bah non. Et l'école est finie alors, et les bergers là. International. Ah oui, c'est vrai que. Voilà, bon, à votre avis. Ah, tu t'en rappelles. Je fais vraiment 3 secondes de micro-break. Il faut que j'intervienne sur le chat. Donc interroge les autres avant, j'arrive. D'accord, alors qui a composé donc ce titre Spacer de Sheila ? Est-ce que, à votre avis, c'est Chic, Donc Chic, c'est le freak, Good Time, tout ça. Est-ce que c'est Giorgio Moroder, à savoir qu'il a travaillé lui avec Queen, avec Karen Cara, avec Lady Gaga ou les Daft Punk. Est-ce que c'est les Bee Gees, Staying Alive, tout ça, tout ça. Excuse-moi. Tu peux répéter les propositions ? Oui, proposition Chic, Giorgio Moroder ou les Bee Gees, qui ont composé donc le titre Spacer de Sheila, qui est sorti en 1979. À ton avis, Daniel ? Tu peux pas demander quelle est la plus grosse planète du système solaire ? Non. Jupiter. Voilà, c'est vrai, je vois pas. La troisième, au pif, je sais plus les ce que c'est. Bee Gees. Par exemple. Staying alive. Staying alive. Teddy. Oh non, ça peut pas être eux. Enfin, attends. Genre, tu t'y connais. Non. Mais comment dire, les Bee Gees, ça a l'air à peu près pas mal. Ça a l'air à peu près de la merde. Tu vois, il y a une incohérence là. Mais. Spacer, ça a été un tube. Hein. Audrey, ouais, t'aurais dit quoi, toi ? Non, vas-y, t'es dit. C'est quoi les deux autres à part les Bee Gees, du coup ? Chic ou Giorgio Moroder ? Genre, mais c'est reconnu ça. Mais je connais ni l'un ni l'autre. Vas-y, chic, parce que tout à l'heure. Parce que chic. D'accord, chic. Chic. Chic, c'est. Le freak, c'est chic. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est nul, voilà. Mais c'est pas mal. Oh là là là là là, là c'est pas nul du tout. Et donc, Audrey. Je sais pas écrire Bee Gees. Eh ben, je vais faire comme tu dis parce que voilà. Chic. Eh bien, et j'ai un avantage. C'était chic. Wouhou, merci Audrey. Le groupe qui a composé. Et merci à tous. Voilà. Et Giorgio Moroder, en fait, c'est quelqu'un, bon, après, qui a plus sévi dans les années 80 que 70. Qui a sévi, genre tel un criminel. Sévi dans le bon sens du terme. Il a vachement contribué à tout ce qui est dance music. Alors, je prends Irene Cara avec la BO de Flashdance à l'époque. Avec Queen aussi, il a pas mal travaillé. Et puis des artistes beaucoup plus récents, hein, Sia, Lady Gaga, les Daft Punk, enfin tout ça. C'est vraiment l'une des têtes d'affiche de la musique électronique depuis les années 80. Voilà. On termine, dernière question, septième et dernière question. On parle d'espace, donc je ne pouvais pas ne pas parler de la Renault Espace. A été conçu le premier Renault Espace, à votre avis ? Est-ce que c'est dans les Yvelines à Flins ? Est-ce que c'est dans les Hauts-de-Seine à Billancourt ? Ou est-ce que c'est dans le Loir-et-Cher à Romorantin ? À votre avis, je vais poser la question à Teddy ! Comme par hasard. Donc, peux-tu répéter les propositions, s'il te plaît ? Parce que j'ai retenu les Yvelines, mais c'est tout. À Flins, à Billancourt ou à Romorantin ? Romorantin, attends, Romorantin-Lanthenay, celui qui est à côté de chez nous, là ? Exactement, ouais. Dans enfin, le Loir-et-Cher, on dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Sans déconner, ma famille habite dans le... Voilà, il y a une de tes propositions, c'est à côté de chez nous. Ma famille habite à Romorantin. Putain, c'est impossible. Alors, dis quelle est ta réponse ? Bah, je vais mettre celle qui est à côté de chez nous, voyons, faut faire local. À Romo, allez. Bah ouais, Romo. On rappelle qu'on est dans le centre Val de Loire. Évidemment. Chez Indestar. On soutient les communautés locales. Qu'est-ce que tu dirais, Audrey ? J'en ai absolument aucune idée. Soutiens les communautés locales. Amstramgram, Flins. Flins, pour Audrey. C'est quoi ça, Flins ? Parce que c'est la Flins du quiz. Et qu'est-ce que tu dis, Daniel ? Aromo. Ouais. Et bah oui, évidemment que c'est à Romorantin. Alors évidemment, je suis pas sûr. Il y avait Matra. Et Matra, qui sont les concepteurs de l'espace, hein, on rappelle, parce que Renault n'est que celui qui a fabriqué et vendu l'espace. En réalité, Matra a fait le concept de l'espace, l'a proposé d'abord à Peugeot, qui ont fait « Ouais, ça marchera jamais !» Et puis ils sont allés voir Renault, qui a fait « Ouais, pourquoi pas ?» Et du coup, ça a cartonné. Voilà, ça a lancé le monospace dans le monde entier, même si il peut y avoir débat sur l'inventeur du monospace, mais en tous les cas, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui du monospace, ça a été produit par le premier c'est monospace. Chez nous. Hein ? Alors justement, à Romo, là où il y a un musée, alors je pense que c'est toujours exposé parce que je l'ai visité, donc je connaissais la réponse. Oui. Il y a la première maquette en bois du Renault Espace, normalement. Si elle alors malheureusement, c'est vrai que le musée Matra qui est à Romo, il est très bien. Sauf ouais. Que depuis, alors ça fait quoi, 4-5 ans maintenant qu'on avait eu des inondations par chez nous. il a subi pas mal les fameuses inondations. Ça avait inondé tout le sous-sol, ouais. Donc il y a pas mal de prototypes et de véhicules uniques qui sont exposés là-bas, qu'on morflé. Hein. Donc depuis quand les voitures ça crale et ça a dû reprendre un peu du poil de la bête, mais c'est vrai que il y avait des choses après qui étaient pas très belles à voir, malheureusement. Ma foi. Voilà. Alors, quels sont les scores pour terminer le blind test, enfin ce quiz spécial espace aéronautique? Je suis plutôt content parce que nous avons notre Jolan, c'est Daniel. Oh bravo, yes. Daniel, t'es dernier. Tu nous fais combien de bonnes réponses, combien de mauvaises réponses? Alors tu nous fais un Jolan quand même en forme avec 4 points sur 7. Ah oui, c'est pas mal. C'est ah, ouais. Jolan en forme. Jolan en forme quand même. Après nous avons Audrey en deuxième position avec 6 points. Donc presque. Je suis déçu, le perfect, mais le perfect c'est moi. Grâce à ce fameux Romo, j'ai cru en Romo. 7 sur 7. Bah ouais, parce que j'ai cru en Romo rentable. C'est de la chance. Ouais, bah ouais, ouais, Romo, ouais. Non, mais ça se voit que c'est toi qui marques les points là, hein. Attends. Non, mais parce que. Alors, j'avoue que mon quiz, je l'ai senti quand même plutôt facile. Mais cela dit, quand j'ai vu vos réponses, j'ai vu aussi qu'il y a des fois c'était complètement au hasard. Donc pour avoir 7 sur 7. Genre ton chic là, je connais pas. Moi. Oh là là, là. Ton Renault ça Espace. Tu le présentes alors, hein. Non, c'est pas chic ça. C'est pas chic. Et pour la petite anecdote, on a une artiste qui s'appelle Nina Attal, hein, qu'on passe régulièrement sur Indestar. Son deuxième album a été produit en Amérique avec certains musiciens du groupe Chic. Donc, en Amérique. En Amérique. C'est un groupe chic. On est dans les années. Et bah là-bas. C'était là-bas. Voilà. Donc bon, on finit par un beau score. Bravo, les garçons et les filles de mon âge. On n'est pas de ton âge. Bonne nuit à tout le monde. Allez, salut tout le monde. On vous fait des gros bisous et on vous dit à lundi prochain. Alors évidemment, tout ce week-end, il y a la musique d'Indestar à découvrir. Lundi, nous aurons une émission dont nous connaissons pas encore le thème parce qu'on n'y a pas encore réfléchi. Et vendredi de la semaine prochaine, si cela se confirme, nous aurons une invitée pour passer la soirée avec nous. Chanteuse, jeune chanteuse, qui sera normalement avec nous, non pas dans les studios, mais via le serveur Discord qu'on utilise pour faire cette émission. Sur ce, on vous souhaite un très très bon week-end. Passez deux bons jours, samedi, dimanche. Il fait beau en ce moment, donc profitez-en. Et puis, n'oubliez pas que s'il fait un petit peu mauvais, vous avez toujours la possibilité de vous caler confortablement dans votre canapé et de réécouter cette émission en podcast sur toutes les plateformes internet. Et c'est même le cas s'il fait beau dehors en terrasse. Ciao tout le monde, on se quitte avec Guédré et Toc sur Indestar. Très très bonne soirée à tous. Ciao. Bisous. Ciao. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.